Je pensais que c'est moi qui étais en retard, mais non, c'est le François Zich. Arrête, non, j'étais déjà chez Lara. Oh. Comment ça va, François Zich? Ça va et toi? Mais ça va très très bien. Comment va notre ami Kaufman? Bien, bien, bien, bien. La vie est belle, Kaufman. J'ai l'impression que t'as maigri, je sais pas, c'est peut-être le vêtement que tu portes. Il a maigri? Mais j'ai l'impression qu'il a maigri comme ça. Je pas quand même, mais. Bon, en quelques jours, j'ai l'impression qu'il a maigri, je sais pas, il y a eu un truc. Il a mis tes lunettes quand même. Ah, attends, je vais. T'as raison. Peut-être qu'elles sont un peu sales. Ah merde, Kaufman, t'as grossi. Alors, attends. Vas-y, nettoie tes lunettes. Alors, attends. Ah, bah non, si, il a maigri. Attends, j'ai peut-être pas bien nettoyé. Attends, je vais. Il nettoie vraiment. Mais oui, il le fait vraiment. Attends, je vais vraiment nettoyer parce que je vois plus grand chose. Alors, voyons voir Kaufman. Alors. Ah bah Kaufman, t'as grossi. Bonsoir Coralie, comment ça va? Bonsoir, ça va et toi? Ça va. T'as été couché à quelle heure ce soir? Bref, tu t'es réveillé à quelle heure aujourd'hui? Je me suis réveillé à 10h43 précisément. C'est vrai? J'ai regardé mon téléphone, il était 10h43. Bah c'est vrai? Ouais, et j'ai refait une sieste à 13h. Ah bah oui, bon. Mais elle fait plus la gueule. Ah c'est vrai, pour une fois elle fait pas la gueule. On sait pas pourquoi, mais parfois des fois elle tire la gueule. Tire la gueule. Ouais, Coralie, c'est pas grave. Crac boum boum hier soir. Ah, elle a fait l'amour avec le cambodgien, exactement. Bonsoir Lara. Hey, bonsoir. Comment ça va Lara? Ça va bien et toi? Ça va. Alors Lara devait nous amener un artiste aujourd'hui qui est tombé malade. Ouais. Ah, comme ça. Je suis aussi malade, ouais. Mais je tiens le coup, je viens quand même. Hein. Ça s'est propagé quoi. Ouais. Et moi aussi j'étais malade. Alors je faut t'expliquer, genre il y a une demi-heure j'avais une de ces migraines carabinées. Et c'est parti. Bah ouais. Parce que chaque fois que je prends la route pour venir ici, ouais. Et ben je sais pas, ça me. Ah. Heureusement, ça c'est une fois par semaine. Voilà. C'est parce que c'est une fois par semaine, donc elle met tout, elle se dit, ah, ouais. Je mets tout mon fun en un jour et, voilà. et tout va bien. Et j'ai amené de quoi te soigner. Hein. Oh merci, c'est regarde, gentil. Il y a du gingembre. Ouais, parce que si des gens ont des bons conseils. Mais non, alors, lui, j'ai pas de gingembre. Et si un médecin. Il y a du citron. C'est vrai. Ouais, si un médecin m'écoute, je vous explique le problème que j'ai, c'est que j'ai les bronches qui sont engorgées comme si j'avais de l'asthme en fait. Une bronchite quoi. Ouais, mais quand t'as une bronchite, c'était pas forcément du fou le mucus, et là ouais. J'ai ça quand j'ai des crises d'allergie, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est pas parce que j'ai pris froid, mais j'ai eu un coup d'allergie à quelque chose, je sais pas quoi, et donc du coup, ça s'est fragilisé. Ah non, sinon je vous donne des boules roses. Non, mais ça, c'est quoi que tu as ramené là? Bah, en plus des trucs un peu naturels, ouais. J'ai quand même un autre truc naturel qui s'appelle l'échinacea. C'est une plante qui Échinacea. Booste. Ouais, ça booste un peu l'immunité, c'est génial. Quand vous êtes c'est homéopathique malade, ton truc Ouais, t'inquiète. D'accord. Et ça, c'est du magnésium, tout simple. Ah, ça, c'est bien ça. Ah, ok, bon. Et du tout bon, hein. C'est du tout bon, hein. C'est du tout. Oh, c'est de la bonne, hein. Tu l'achètes à la gare du Midi. Ça vient de Colombie, ça vient de Colombie directement. Ah ouais, c'est de la pure. Ça n'a pas été coupé ce truc, hein. Non. Bon, juste un truc. Alors, vous m'excusez à l'avance, vraiment. Si jamais vous entendez un truc genre. Ok. Bah, c'est non. Quelqu'un qui tousse, quoi. Ah non, voilà. Je vous jure. Et c'est pas facile parce qu'à chaque fois que j'inspire, c'est comme si ça faisait glouglou, tu vois. Tu vois les chichas. Ouais. Où t'as l'air oui. Qui passe, ça fait blou. Et ben à la fin, j'ai un peu pareil quand je parle et que j'inspire. Ah, et ben ça fait blou. C'est dégoûtant. C'est horrible, non mais c'est horrible. Chiant. C'est franchement... un décollement de la plèvre, ça, attention. Alors, décollement de la quoi? De la plèvre. Dire... Et quand elle m'a dit ça, j'ai cru que j'avais le cancer. C'est-à-dire que tu vas plus vivre très longtemps. Arrête de mettre des pressions pareilles, quoi. Me mets pas mal à l'aise. Déjà en plus, je suis arrivé en retard pour une québécoise aujourd'hui, là. C'est vrai, hâte pour Québécois. On a une Québécoise dans les studios de Fun Radio. Regarde ce que j'ai ramené pour vous. C'est un ukulélé, c'est quoi? C'est un ukulélé. Ukulélé. Parce que je me suis mise au ukulélé. C'est une petite guitare en fait, un ukulélé. Elle est déjà. De quelle couleur? Elle est noire. Ah, évidemment, puisque je suis toujours bien en noir. Bah oui, bien sûr. Et voilà. Merci Catwoman, c'est très gentil. Parce qu'il y a une Google Traduction aujourd'hui. Il y a Google Traduction ce soir. Oui. Vos messages au 3044 seront les check en live, in direct et au programme de votre émission. Ce soir, on a la Friend Zone. Qu'est-ce qu'on a d'autre, François Zich? C'est ça, il y a également le Dragophone. Merci. La battle du jour. Oh là là. Retour vers le futur, VS Jurassic Park. Oh, pourquoi un truc aussi compliqué à choisir? Moi, je connais déjà mon camp. Non, mais attends, non. Les deux ont versé mon enfance. Non. Les deux m'ont bercé et je crois que de toutes les générations, c'est un film qui est intergénérationnel. Ouais, mais moi j'ai quand même un argument. C'est que Retour vers le futur, 1 génial, 2 génial, 3 génial. Jurassic Park 1 génial. Ouais. Le 2, bon, voilà. Ça peut se passer. Après, ça c'est frite. Le 3, comme un vieux morceau. Et le World, on n'en parle même pas. C'est ça, c'est Jurassic World. Donc voilà, c'est quand même un bon argument. Ils ont réussi à garder leur qualité tout au long de. D'ailleurs, vous savez qu'ils vont faire un Retour vers le futur 4? Ah bon? Non, ouais. C'est une blague. On parle pas du bruit qui circule maintenant sur Internet, sur Twitter. C'est quoi? À propos de notre ami. Ah oui, qu'est-ce qu'il a? Attention, monsieur Barbet, David Barbet est pressenti pour remplacer un Chamleroy sur D8 avec Sierra Luna. J'ai vu ça sur un tweet, moi perso. Un tweet qui était full retweeté et tout le monde disait c'est qui Barbet. C'est pour ça qu'il met animateur Fun Radio, pour ça lui donne plus de crédibilité. Exactement, mais je me rends bien qu'il est derrière la conception de ce tweet. Je ne sais pas, hein. Mais c'est génial. Je ne suis pas le zapper fou en tout cas. Tu n'es pas le zapper fou, c'est le tweet zapper fou. Le tweet c'est zapper fou. Et tout le monde à la radio. Ouais. Me l'a dit aujourd'hui. Ouais. Ils sont sûrs que c'est moi le zapper fou. Mais je ne sais pas moi le zapper fou. Ah genre il se fait des auto-tweets. Mais oui, enfin, c'est pas ça. Moi. À la rigueur on s'en fout. Oui, est-ce que la rumeur est vraie? Non, mais les gars, non, l'idée c'est qu'il a pris tout son salaire, il a demandé à un mec de faire ce qu'on appelle un ragot. Mais non, donc, voilà, non. Donc le gars, il a payé en fait pour lancer une rumeur. Non, je pense qu'il y a un fond de vrai. C'est toujours lui qui m'a dit: ah, mais c'est comme ça que ça marche, pour avoir un poste quelque part, il faut lancer des rumeurs. Mais... ah, c'est comme ça qu'il est venu à Fun Radio en tout cas. Ah bah oui. Ah, le mec, avant même que je l'appelle, je voyais des infos partout: David Barbet sur Fun Radio à la rentrée. Avec Vince, merde, c'est qui lui? C'est bien. Je me suis posé des questions, je me suis dit: mais comment ça se fait? C'est bizarre ça. Bon, l'escroc, est-ce qu'il y a un fond de vérité ou pas? Il y a un fond de vérité, oui, il y a un fond de vérité. Ah! Il y a un fond. Mais donc c'est toi le Twitter, le zapper, Non, c'est pas moi le zapper fou. L'info du zapper fou comme quoi j'ai proposé une chronique est vraie. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bon pour l'info. Voilà, c'est tout. Prochainement, peut-être que vous allez voir sur D8 avec Cyrana, s'il vous plaît, mais David Barbet, peut-être. Ou pas du tout. Mais laissez tomber, mais arrête. Moi, ce que je voulais dire, c'est franchement, on croise les doigts pour toi, parce que si c'est possible, bah franchement. Par contre, Vince, on a un super cadeau aujourd'hui. Hein. Ah bon? Ouais, Kaufman, il a ramené un de ses cadeaux. Ah, mais je sais, c'est le circuit Zolder. Ah, ouais, oh, c'est du lourd, ça. J'ai des gens qui m'ont appelé, genre, ouais, Vince, qu'il y a moyen et tout. C'est quoi? Ah, j'ai des gratteurs, laisse tomber tous les gratteurs sur l'éveillé. Je t'ai proposé, tu m'as dit. Ah, ouais, j'ai noté ça dans mon truc là. Ouais, j'ai noté. Ah, j'ai noté dans mon planning. C'est quoi, Kaufman? C'est le 23 juin, on vous invite une journée de rêve sur le circuit de Zolder. Vous ferez du karting, vous ferez un hot lap avec la voiture. On fera, attends, on fera un quoi? Un hot? Un hot lap, c'est-à-dire que vous allez prendre la tour place du passager et on va faire un tour le plus rapide possible avec un pilote professionnel. Oh my god! Oh. Ah, mais vous déjeunerez sur le circuit également, tout ça c'est cadeau, c'est Smart Toys qui régale. Ah, c'est vrai, c'est bon ça, on offre ça tout à l'heure sur Fun Radio. Et attention, j'ai. Voilà, je tousse. Attention, je suis désolé, j'avais dit que j'avais une petite bronchite là. Et alors, je sais pas, mais c'est parce que le temps passe en chaud, froid, froid, chaud, je sais pas. C'est bizarre. Je crois que ça joue un peu, mais je me suis ramassé un coup d'allergie à quelque chose, je sais pas quoi. J'avais tout qui grattait, alors que j'ai pas eu d'allergie grave cette année, tu vois. Hein. Ouais. Tout est venu d'un coup, et là je me suis ramassé à total la bronchite. Ah, mais tout va bien. Oh, c'est dur à respirer. C'est ma vie, Simone, vous allez nous rejoindre, monsieur Vince dans la tombe. Sortez de mon corps. Bon, retournez à l'orphelinat. Bon, oh, les amis, je vais vous poser une question très simple. Enfin, très simple, ça dépend. Si vous avez la bonne réponse, vous me l'envoyez par SMS au 3044. C'est quoi la question? C'est une question insolite. Oui. Ça s'est passé dans l'actu. C'est ça. Un chocolatier. Comment je peux expliquer ça? Voudrait, en fait, préconise de faire quelque chose avec le chocolat. C'est ça. Oh, c'est sous elle. Mais faire quoi? C'est un chocolatier propose, je crois que même le mec il a des idées de développer chocolatier ça. Un chocolatier belge. Voilà. Préconise de faire quelque chose avec le chocolat. Ouais. C'est voilà, il voudrait lancer une autre manière de consommer le chocolat. C'est sexuel. Toujours sexuel. C'est avec manuel. Elle. Ouais. Non, non, toujours pas. Si vous avez la bonne réponse, allez-y au 3044 si vous avez une idée. Hein. On a dit bonsoir, dit le malade qui tousse. Y a pas un doc. Alors moi, on me propose du miel, citron pour la gorge et la toux. C'est vrai, ça marche. De l'ail pour les anticorps. Ouais, mais moi, je voudrais enlever, tu vois, tout ce qui est. C'est impossible, ça. Hein. Si, je me suis forcé à tousser comme un ouf tout à l'heure. Expectoré. Et laisse tomber, je crois. Expectoré, excuse-moi, pardon. T'as vu les pecs? Tu sais, tu dois faire ça. Tu sors la langue et tu arrêtes. Mais je te jure. Mais non, c'est nous qui allons être malades. Oui, ah ça. Ouais, fais ça à la fenêtre. Vous allez être malade si je fais. Ah. Bon, pas déconner non plus. Ah merde. Allez, voici Riton ou Riton, si comme vous voulez. Ouais, comme vous. Avec Rinse and Repeat sur Fun Radio, c'est la libre antenne. On démarre ce soir, gros programme Dragophone qui va démarrer. Oui. On aura également la Google traduction de Lara. Oui. Ah. Et puis ce soir, on a également le Relou Style à Friend Zone. Bienvenue. Let's go. But it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. And it just goes on. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. And it just goes on. Got the joint lit way up. It's time to get down. So loud that my ears pop. We can't turn back now. What is the turn down? To the club we go. So what, the song comes up and it just goes on. And it just goes on. And it just goes on. Then we rinse and repeat. And it just goes on. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Time to make the club go up. Fun. Okay, Vince Libontaine. Vince! Yeah! 20h-23h sur Fun Radio. Vous le savez, sur, dans la libre antenne, on a une mascotte. Et la mascotte s'appelle Dominique. Il était encore là hier. Et je pense c'était une histoire d'eau, n'est-ce pas, Francesich? Exactement ça, oui. Et on va se réécouter un petit extrait là, maintenant, tout de suite, juste pour le plaisir. Hey Robert, c'est Dominique là. Arrête de me transférer chez l'autre putain hein. Monsieur, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne en priorité chez vous? Ta pute de mer. Qu'est-ce que vous voulez? Pardon? On veut qu'on prenne ta pute de mer. Monsieur, moi je vois dans les dossiers concernant votre maison que vous avez énormément de godets en bois dans votre garage. Fils de pute, c'est chez vous. On te fils de pute, vous. Patrick. La vérité. Patrick. La vérité. Vous êtes combien, bande de fils de pute? Moi, voix de Fun Radio, j'écoute Vince de 20h à 23h car ça met de bonne humeur. Bien sûr que ça met de bonne humeur, bienvenue sur Fun, 20h13 exactement, oui. En direct. Ah, c'était le moment d'hier de Dominique. C'est ça. Qu'est-ce que ça m'a donné? Ah, c'était bon. C'est passé là? Ah, t'as pas entendu? T'as entendu? T'es en train de t'entraîner sur ton ukulélé là? Non, j'accordais l'instrument. Tu l'accordais, d'accord, oui. Très bien. Bon, on n'est pas d'accord. Oh là là là là, monsieur, décidément, tu deviens bon. On dirait que t'as un don. Accordéon. Oh là là là là. Bonsoir Vince et l'équipe, vous allez bien, je vous adore. Merci Mélissa, ça va bien. Oui, ça se porte. Voilà, disons que j'ai l'impression d'avoir une chicha dans mes poumons, moi. Ah, mais où est la fumée, merde? Bah non, heureusement, il n'y a pas de fumée, ça ce serait la galère, mais à chaque fois que j'inspire, ça fait glou glou glou glou glou glou glou glou dans les bronches. T'as un goût particulier? Ah, c'est un goût dégueulasse, tu vois ce que t'as dans ton nez quand tu manges. Non. Voilà. Bon appétit. Et je crois que j'ai mal à l'estomac parce que ça va ailleurs, tu vois. Je devrais cracher à chaque fois mes glaires. Non, arrête. Et je vais garder ça dans un verre et je vais le verser sur quelqu'un, ça va être le défi du jour, tu vois. Non, t'as déjà fait voir il y a quelques mois les glaires à quelqu'un. Alors bon appétit si vous passez à table en ce moment, j'espère que tout se passe bien. Quelqu'un m'a envoyé, oh my god, vous allez l'appeler. Est-ce qu'on va appeler Dominique ce soir? Coralie, ça décroche ou pas? Pour le moment, ça décroche pas. Aïe. Ah, bon, ça dépend toujours un petit peu du bien hasard. Hein. Les amis, ça va arriver dans quelques instants. Et toujours cette question, un chocolatier belge préconise de faire quelque chose avec le chocolat. Il voudrait lancer une nouvelle tendance. Est-ce que vous avez une idée ou pas? Allez-y au 3044. Prendre des bains de chocolat. Oh, bonne pas idée. Mal, mais ça existe déjà, ça. Hein. Ah ouais? Ouais, dans certains espaces, ça coûte très plus cher que le lait d'ânesse. Du lait d'ânesse. Ouais. Tu savais pas? Ah, je ne savais pas, non. Tu savais pas que Cléopâtre, elle prenait des bains de lait d'ânesse. Ouais. D'accord. D'ailleurs, maintenant, il y a plein de produits de beauté avec du lait d'ânesse, tout ça, quoi. Hein, ouais. Pour faire un peu sa Cléopâtre, tu vois. Ok, très bien. Oh, ce nez, ouais. Décidément. Et donc, tous les jours, elle prenait un bain au lait d'ânesse. Ouais, oui, vrai, tout à fait. Mais comment est-ce qu'on sait ça? Elle ne faisait pas que ça, mais. Comment est-ce qu'on sait ça? Non, mais comment est-ce qu'on a la preuve de ça? Parce qu'il y a des écrits. Mais il y a des écrits, genre, alors, tu vois, c'est. Les hiéroglyphes. Non, sur les hiéroglyphes, on l'a dessiné à poil. Avec du lait d'âne et tout ça. Mais non, mais ils écrivaient, Attendez. Ils sortaient avec Jules Simard. Non, parce que je dis pas le contraire, mais tu sais que tous ces écrits-là, tous les papiers découverts, c'est plus du papier, quoi. Le papyrus dure longtemps. Non, le papyrus dure longtemps, mais. Mais c'était pas nécessairement écrit sur un papyrus, vu que. 5000 ans, quand même, hein. Elle a été moi, je fais un tag, il est parti après 3 jours. Elle a été en Grèce et tout, partout. D'accord. Non, mais c'est peut-être possible, hein. Peut-être ouais, possible. Sur un iPad, quoi, normal. Voilà. C'est ça, ouais, on a retrouvé un tube de Cléopâtre. Oh, trop fort ce lait d'ânesse ici. On a retrouvé le mot de passe sur iCloud. Ouais, milk, tout va bien. Des photos nues, laisse tomber, con. Et il y a Abdel qui a trouvé la bonne réponse. Il y a des gens qui ont trouvé la bonne réponse. Et d'ailleurs, nous avons notre gagnant, il s'appelle Kaz, c'est le premier qui a envoyé la bonne réponse. Non, attends, Kaz. C'est ça la bonne réponse? Ouais. Bon, c'est ce qui... Salut! Attends, il va le dire. Salut, Kaz. Ça va, Kaz, tu vas bien? Très bien, toi, Vince. Ça, écoute, j'ai envie de te dire très bien aussi, mais je vais pas te mentir, si tu m'entends tousser dans l'émission, c'est normal. Vince ne casse pas des briques ce soir. Mais c'est quoi cette vieille? C'est normal. Je sais pas. Mais va travailler RTBF. Oh, tu casses pas la baraque, dis donc. Va travailler sur la première. Voilà, ou alors dans un club de kung-fu. Ou dans un club de retraités. Ouais, mais casse-toi. Bon, et merci pour le message là. Du lisomucil aide à cracher, le inhalo à respirer. Alors j'ai un inhalateur heureusement. Dégager les bronches, base d'eucalyptus en gouttes. Ah, c'est bon ça. Y a pas une pharmacie qui est encore ouverte? Ah non, c'est les pharmacies. Mais t'as pas besoin, c'est moi ta pharmacie, c'est juste tu veux pas. Non, mais t'as pas d'eucalyptus toi. Mais d'eucalyptus, mais l'eucalyptus. J'ai besoin, je dois cracher ces trucs qui se traînent dans mes poumons. Ah non, non, arrête de parler de cracher quand je mangeais quoi. C'est vrai, tu joues sur ton plat. Je vais te faire un petit grog. Ah tiens, j'ai une soupe pour toi. C'est vrai? Une soupe miso. Ah d'accord. Ah, c'est pas mal, la chaleur ça fait un peu. Ouais, t'as raison. Merci. C'est cadeau, c'est pour moi. Alors laisse-moi voir cette soupe. Tiens, c'est bizarre, ça a vraiment la couleur de ce qui sort de ma bouche en ce moment. Regarde un peu la couleur. Tu vois, verdâtre comme ça. Un petit peu vers kaki, vers kiwi. Il va vomir, hein, Norman. Hein. D'ailleurs, t'imagines un kiwi maintenant, j'ai envie de t'en apporter un pour manger. Il y a moyen de parler d'autre chose que kiwi, de morve. Voilà, bon, elle coupe un gingembre en direct dans l'émission pour m'aider là. Bah, évidemment, Clara. Mayday. Bon, Mayday. Kaz, enfin, ça va être à toi. Kaz, c'est quoi la réponse? Il préconise quoi là, le chocolatier belge, de faire avec le chocolat? Bah, en fait, il préconise de le sniffer. De quoi? De le sniffer. Ah ouais. Quoi? De sniffer du chocolat? C'est une bonne réponse. Oh, exactement. Mais tu vas te faire mal. À la fraîche quoi. Le mec, je sais pas, il veut lancer une nouvelle mode de sniffer le chocolat. Bah, il vaut mieux sniffer ça que de la coke, hein. Non, mais attends, à quoi ça sert? Bah, je sais pas. Apparemment, ça donne le même effet, mais sur une plus courte durée. Et si tu veux faire une banane à speed, tu passes la banane d'abord, c'est ça? Ouais. Non, parce qu'il y a un effet euphorique avec le chocolat. Oui, c'est ça, en fait. Lui, il dit que si tu t'en prends, eh bien, ça donne un effet un peu euphorique, non, mais sur une très courte durée. Je comprends pourquoi il est tous dingue du Nutella. J'ai envie de dire quelque chose quand même. Le mec, c'est un créateur de chocolat. Oui. Ouais, ouais. Mais imaginez toutes les essais qu'il a dû faire pour arriver juste à dire non, je vais juste proposer le fait de sniffer. Mais dans la liste, imaginez ce qu'il a fait. Ah ouais, putain, c'est vrai. Qu'il a pas osé. Tu le sniffes en poudre, tu le sniffes pas en tablette. Oui. Ouais, Kaz, t'as dit quoi? Oui, en fait, je pense qu'il est plus en train de vendre son petit ustensile pour faire son sniffage. Genre, frangin, tu prends un bic, t'enlèves la pointe, tu enlèves l'autre côté, puis ça y est. Tu m'en as bien connaisseur, hein. Non, du tout. J'ai regardé Scarface comme tout le monde. Non, mais attends, je suis un exemple. Okay. Et je suis un exemple pour les jeunes, pas déconner. T'as dit quoi? Que tu avais regardé. Laisse tomber. Non, mais il est en train d'insinuer que je connais les techniques, tu vois. Bon. Attends, t'imagines faire Scarface dans du chocolat? Scarface dans du chocolat, ah ouais. C'est pas mal. Là, bah, franchement, c'est une bonne idée. Viens, on fait le remix de Scarface. Tu toucheras pas à mon coton. Tu toucheras pas à mon coton. Allez, bisous, Kaz, à bientôt. Hein. Salut, Vin. Et je te passe Coralie. Salut. Bonne soirée. Quelqu'un m'a écrit What the fuck. Lara, t'as dit quoi? Pas mal comme nom, Kaz, je dis. Il t'en manque une. Oh là là, je me suis pris pour David de Smart Toys. On y arrive. La première, moi, on arrive. Moi, je trouve qu'il faut une gogole là pour. Eh ben, ta gogole arrive dans quelques instants sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun. Au fait, ça va, Patrick? La vérité! Fun Radio présente la compilation Club and Dance avec Toujamo et Tayo Cruz, Martin Solveig, Boss, Linka et Monde Logé, Basto et Natasha Bedingfield, Oxoon, DJ Flash featuring Kevin Mengi, Magicut, Willy William remix dédiqué, en vente partout. Dis de vos souhaits, Lemons. Oublie pas que demain on a un grand barbecue, hein. Et alors? Ah bah, il faut pas se coucher trop tard. Bah, pourquoi? Parce que si on veut être en forme, faut qu'on aille au lit. Oui. L'aille au lit qui donne du goût à l'été. La voilà. De vos Lemons. À table. Tous les vendredis à 21h45 sur Plug RTL, The Walking Dead, saison 2. Laurie Grimes, c'est Rick qui m'envoie, suivez-moi. Quoi? Carl a reçu une balle dans la poitrine, il est en danger. La série événement continue. École. Vous avez établi un centre médical d'urgence là-bas. Doyez voir ce dont j'ai besoin. La zone était infestée la dernière fois que j'y ai mis les pieds. The Walking Dead, saison 2, tous les vendredis à 21h45 sur Plug RTL. Plug RTL. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance. Le son hit. We'll be right back. 20h à 23h sur Fun Radio. Et voici Maître Gim sur Fun Radio. Et ton fils, et ton fils. Et ta fille, et ta fille. Et ton fils, et ta fille, il a dit. Tu as vanné ma fille. Oui. Non, j'ai pas vanné, j'ai demandé comment elle allait. Ouais, elle va bien, elle va bien, elle va beaucoup mieux que moi, hein. Vraiment beaucoup mieux que moi. Voici Maître Gim sur Fun Radio, zoom zoom. Et oui, à mon dedi, dit Coralie, Coralie. Je vous dis pas, Coralie, elle a payé des années de salaire à l'avance pour avoir ça. Maître Gim, zoom zoom, on y va, on arrive. Elle a jeté son cœur en fleuve, à part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle avance dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde, tu comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et appeler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, parce que quand t'es passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, parce que quand t'es passager dans le Mercobenz. Ça ira pour ce soir. Les compliments n'ont pas d'effet, mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiment ralenti, tu t'effraies peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le 6-5. Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas? Bienvenue sur Fun 20h27 de Shinsekai avec Alter Ego. Merci Lara. Lara m'a préparé mon petit plat là de ce soir. C'est fou quand même, hein. Alors elle m'a... Franchement, c'est une femme à marier, hein. Elle s'occupe de vous comme ça. Elle fait absolument tout. Qui veut des cocktails? C'est très gentil. Je te le rendrai au centuple. Attends, mais non, mais ça, tu dois le siroter. Prends d'abord les autres trucs. Alors je vous explique. Elle m'a préparé un jus de citron à base avec des morceaux de gingembre. Ouais, et les gingembre, c'est pas des gingembre industriels, c'est le vrai gingembre qu'elle a coupé devant. On appelle ça comment? Le bois bandé comme cocktail. Le bois bandé, c'est le grog quoi. Oui. Mais par contre, le seul petit problème, c'est que normalement il faut presser le citron dans un truc qui enlève les pépins. Et sauf qu'il y a les pépins là. Donc il y a un peu de pépin. Il y a le pépin. Donc en fait, tu dois un peu boire du jus et puis non, on n'enlève pas, il y en a moins 15. Non, mais pas ton doigt dégueulasse dedans. Je me suis lavé les mains s'il te plaît. Tu perds de la vitamine là. T'as touché le clavier et tout. Ah non, t'en perds. C'est vrai, j'ai touché la souris, merde. Tiens, prends le pépin. Non, par contre, ce que tu dois faire, c'est prendre des petites gorgées, un peu gargariser et puis croquer les morceaux de gingembre et les manger. Croquer les morceaux de gingembre, mais c'est le gingembre qui en tient. anti-inflammatoire. Ah bah, faut le faire, hein. Ouais, faut le faire. Bah ok, oui. Ça va. Et juste après, on va lancer le sujet du jour. Et le sujet de ce soir, là, le. La battle du jour. Faut-il te mettre un suppositoire ou pas? Mais lui, il a la chance qu'il m'offre tous les cadeaux de fin de radio. Sinon, bon. La battle du jour, ce soir, c'est Retour vers le futur contre Jurassic Park. Choisissez au 30-44, qu'est-ce que vous préférez? C'est ça. Allez, je vais essayer de siroter ce truc. Oh putain. Et vas-y, je vais croquer les morceaux. Oui, il faut croquer, hein. Allez, croque bien. Allez. Alors c'est bon? Ah bah ouais, c'est pas très bon, mais voilà. C'est... Ah, c'est pas bon? Ah, oh, non, bah... oh, ça brûle. Ça brûle. Ah. Mais non, mais tu l'as avalé trop vite. Ah, ça brûle. Ah, ça brûle. T'as mis du piment, non? Bah non, c'est juste du gingembre. Non, j'ai remis un peu de wasabi. Ah, non, voilà, c'est pour non. ça. Non, c'est pas vrai. T'es où? Attends, deux secondes. Mais t'es où? Je suis en bas, là. Attends. Ah, ça va pas, les gars, là. Ça commence à faire effet, le gingembre. Ah, ça va pas. Oh, hey, mais c'est un truc de ouf ce que tu m'as préparé. On dirait la potion magique d'Astérix Obélix. Ça m'a réveillé d'un coup. Après ça, t'iras mieux. Ouais, c'est ça, je vais avoir la chiasse. Ça ira beaucoup mieux. Et prends les petits trucs, les kinacéas et tout. Oui, je vais prendre. Bon, ça va, on n'est pas là pour faire la libre antenne de Vince en mode médecin et tout ça. Après, je vais te mettre un thermomètre. Tant que c'est pas dans le derrière, tout va bien. J'ai bon, pas dit. On a Cassandra qui est avec nous. Salut Cassandra, ça va? Salut. Ça va, ma chérie? Tu vas bien? La vie est belle? Oui, ça va, super. Ah bah tant mieux, je suis content de savoir ça. Cassandra qui m'envoie plein de messages Facebook. Voilà. Et Lisa, elle arrête pas de me dire: T'as vu la photo que je t'ai envoyée? Cassandra, une photo avec, s'il vous plaît, Christopher Lloyd, plus connu sous le nom de Doc Emmett Brown. Ah! Donc, Cassandra, si je comprends bien, toi, t'es pour Retour vers le futur. Comment elle se la pète? Oui, bien sûr. Et pourquoi, toi, tu préfères Retour vers le futur? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce dessin animé? Enfin, ce film, pardon, ce dessin animé, blasphème. Mais c'est un film que je regarde depuis toute petite avec mon père. Je l'ai vu plein de fois et j'adore ce film. Tu l'as vu combien de fois? Je saurais même pas le dire. Moi, c'est pareil, hein. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est vrai que je l'ai vu la blinde aussi, hein, Retour vers le futur. Ah, rien que de mettre la musique, ça nous met déjà dans l'ambiance. Alors, maintenant, de là à choisir avec Jurassic Park, c'est compliqué. On a Ben qui est là. Alors, Retour vers le futur date de 85 quand même, hein. Ok. Et le deuxième date de 89. Et le troisième de 89 aussi et 90, je crois. Pourquoi tu me regardes? Moi, j'en sais rien. Je sais pas. Moi, en tout cas, je sais que Retour vers le futur est sorti avant ma naissance. Et ah oui, quoi? Mais avant, quand c'est sorti. J'avais déjà 20 ans, moi. T'es sérieux? T'avais déjà 20 ans, 89? Mais non. Je pouvais le croire, hein. J'avais 11 ans. T'avais... Vraiment? Ouais. Bon, un peu plus quand même, hein. Non? Un peu plus. Je suis né en 78, j'ai encore compté. C'est bizarre dire que t'allais avoir comme patron un petit gars qui venait de naître quand t'avais 11 ans. Oh là là. T'inquiète, les choses vont changer bientôt. Ouais, je sais, je le sens. Alors, il y a des messages qui arrivent: je t'aime Lara. C'est pas le sujet, mais c'est très gentil pour elle. Alors, bah, on l'as pas vu. Hein. On a Ben qui est là, il a 24 ans, il vient de Liège. Salut Ben. Salut tout le monde. Salut. Alors Ben, toi, tu préfères qui? Tu préfères quoi? Moi, c'est Jurassic Park. Eh ben, c'est très difficile à choisir. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis un peu. Je sais pas, je suis un peu perdu, je sais pas trop vers où aller. Toi, tu préfères quoi, toi? À moi, 100% Retour vers le futur. Françoisich, ok. Retour vers le futur. T'as vu un film, toi? Bah, bien sûr. Bah, oui. T'as vu sa gueule aussi, il ressemble à Marty McFly. C'est vrai. Attends, il ressemble à Biff, hein. Ouais, attends. Connard. T'as vraiment vu Retour vers le futur? Bah, bien sûr. Récemment, alors? Ah, non, je l'ai vu il y a longtemps, je le regarde souvent. Ah, d'accord. Et tu l'as vu plusieurs fois? Bah, bien sûr, j'adore. C'est le seul film qu'il a. Je suis étonné parce que d'habitude, tu sais, je parle de la sortie d'un film et lui, il connaît pas. Et toi, Lara? Retour vers le futur. Aussi, bon appétit, Coralie. Retour vers le futur. Mais c'est dingue. J'ai jamais vu Jurassic Park. Eh ben, juste parlant parce que je dois aller en contresens de vous tous. Là, je vais dire Jurassic Park. Mais j'adore Jurassic Park aussi. Mais alors Ben, le truc c'est que c'est difficile à choisir parce que c'est deux films complètement différents. Mais c'est la musique. Cette musique. Tu vois. C'est la musique Jurassic Park. Ah merde. Je vais vous faire un morceau de gingembre. Oh là là. Je me suis trompé. Ah. Et attends, profite du son, profite de la musique. On dit rien, on profite. Ah là, c'est survolté, là, de pterodactyle. C'est ça. Moi, je vois l'hélicoptère quand il arrive vers l'île, là. Oh, c'est bizarre. Vers l'île Roubaix, là. Ouais, je vois. Vers l'île Roubaix, à l'école. Oh là là. Non, mais sérieusement, quand j'écoute cette musique, et là, en ce moment, j'ai des larmes aux yeux à l'entendre. Mais non. Si, je me vois. Moi, j'ai des frissons. Mais je me vois petit, tu sais. C'était tellement bien fait en 1902. C'était impressionnant, là. Et c'était à l'âge de 92-93. 92, je crois, mais les dinosaures, je crois que même une série actuelle qui sort avec des dinosaures, c'est moins bien. Attends, regarde Sharknado, franchement. Ouais, c'est ça. Même époque, mais autre univers. Alors là, François, si t'as regardé, genre, c'est quoi Sharknado? Ouais, Sharknado, c'est pas fait pour être réaliste en même temps. Ouais, d'accord, mais attends, le mec en 92, Steven Spielberg, il a réussi à à mélanger la 3D avec l'animatronique où tu crois que c'est vrai. Et il y a tellement d'autres films qui sont à chier, tu vois. C'est pas pour rien qu'ils s'appellent Spielberg. Bah oui. Ouais. C'est vrai, effectivement. T'es content, hein, Spielberg. c'est la montagne du jeu, en fait. Trop bien. Quoi ? Spielberg. Spielberg, la montagne du jeu. Le mec S'amuse pendant la live. Lara, tu cherches très loin. Tu cherches très loin. Nouvelle traduction, quoi. Elle va vraiment chercher très loin. Et les amis, alors, au 3044, eh ben, c'est un petit peu mitigé, mais il y a beaucoup plus de retours vers le futur pour l'instant. Ouais. Et attention, car on va vérifier sur le Facebook. Ah. Alors, Ben supporte Jurassic Park, Cassandra, oui. Retour vers le futur. Dans l'émission, tout le monde est en mode Retour vers le futur. Bien sûr, à fond. Et j'avoue que c'est mon film préféré, mais j'ai préféré mettre Jurassic Park en avant aujourd'hui. Oh parce que vous êtes tous. Voilà. Vas-y, d'ailleurs, remets la musique de Retour vers le futur. Il s'en fout. Mais c'est vrai, il y a Jurassic Park là, c'est quoi ce. D'être relou. Mais c'est la même. Prends la DeLorean. Mais ça ressemble grave. C'est pas le même gars qui a fait. John Williams ou quoi? Ouais, ça doit être un truc comme ça, ouais. D'ailleurs, qui a réalisé Retour vers le futur ? Zemeckis, Robert Zemeckis. Bien, bien. Ah, bien joué. Au bon lait de brebis. Eh oui, tout à fait. Comme Salakis. Ça va pas. Eh ouais, c'est un grec. Alors, moi, j'ai pas les résultats. Par contre, peut-être que le français, je peux. Ah, si, c'est bon. Moi, je les ai, oui. J'ai enfin les résultats. Non, mais okay. Il m'a fallu le temps. Il y a eu 1000 votes. 1000 votes et c'est la victoire à 64% de. Padam ! Retour vers le futur. Retour vers le futur. Ouais, ouais. T'as c'est dingue, je pensais pas que ça allait mettre une tôle pareille à Jurassic Park. Bah quand même, attends. Bah les deux films sont cultes, hein. Non. Les trois. Et donc j'ai. Oui, ça va, c'est trois. Ils ont gâché, ils ont gâché. C'est, tu l'as dit tout à l'heure, en faisant les suites, ils ont un petit peu gâché. C'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit. Bah, c'était mon argument. C'était l'argument de Lara. T'avais raison. T'as toujours. J'ai envie de me faire le film ce soir. Ah oui, carrément. Allez, DP Stream, hop. Lequel ? Non, je vais lequel des trois ? Sur des trois, le 2. Ah, le 2, évidemment. Même s'il y a une grosse erreur. Oui, et. Y'a pas une grosse erreur avec la fille qui reste sur le balcon là ? De quoi ? Ouais, qui reste et qui retrouve après ? Non, pas forcément parce qu'elle est englobée dans une nouvelle réalité. Donc ça c'est pas un problème. Non, j'aime pas trop. C'est une faille spatio-temporelle. Par contre, Cassandra, c'est quoi l'erreur de retour ? Alors désolé pour ceux qui ont pas vu, c'est quoi la grosse erreur de Retour vers le futur 2 ? Mais une grosse erreur, hein, grave quoi. Ah, elle sait pas. T'es pas une vraie fan. Mais une erreur, mais je comprends pas comment Robert Zemeckis l'a pas remarqué dans son texte quoi. Mais pourquoi ? C'est au niveau de quoi ? Alors attention, écoutez bien ce que je vais dire, il va falloir analyser. Ouais. Pour ceux qui ont vu Retour vers le futur 2, oui. À un moment donné, donc pour rappeler, pour une raison complètement idiote, le doc dit à Marty, oui, il faut faire quelque chose pour vos enfants dans le futur. Ouais. Donc pourquoi aller dans le futur si déjà techniquement tu peux le régler maintenant ? Pourquoi ? Bah ça sert à rien, ça. C'est vu pourquoi, qu'ils les ont pas encore les pourquoi enfants. Aller dans le futur pour alors c'est pour le mais pour, parce que c'est sinon pour y a pas deux. De film c'est ça c'est pour qu'il y ait un 2 oui. Je suis d'accord. Bon alors ils partent dans le futur pour arranger le problème de leurs enfants, ça s'arrange, voilà, les enfants vont pas finir en prison, tout va bien, donc là ils doivent retourner en arrière, mais bif voit la voie DeLorean et part dans le passé tout à ouais. fait pour se donner l'almanach des sports exact qui lui permet de devenir extrêmement riche et ouais. C'est là où il y a avec le et c'est là qu'il y a une grosse sportifs. Erreur voilà parce que ça veut dire qu'il alterne le passé. Donc, normalement, le présent n'aurait pas été le même. Donc, c'est-à-dire que le futur dans lequel ils sont, Biff, quand il revient avec la DeLorean, normalement, il a disparu. C'est-à-dire que normalement, Marty et Doc ont disparu. Ils sont dans un autre contexte. Voilà, pourtant, quand il est revenu, alors qu'il a déjà donné, donc Biff a donné l'almanach. C'est vrai. Il revient dans le futur, mais rien n'a changé. Ils peuvent retourner dans le passé, là, ça a changé, c'est pas normal. C'est vrai. Grosse erreur. Il est bon ton gingembre. T'as vu ça ? C'est pas mal. Ça m'a rêvé. Non, mais c'est de l'entraînement avec Dragon Ball Z et Future Trunks, c'est pour ça, tu vois, on réfléchit. C'est toi le Trunks. C'est pas grave, Oubou. Je te fais un gros bisou, Cassandra, et bisous aussi à Ben quand vous voulez, les amis, dans l'émission, ça va ? Bisous, pas de soucis. Bisous, bisous, ciao, ciao. Bisous. Et, c'est là qu'il y a plein de gens qui vont aller regarder le 2 et se dire mais putain, mais vite, ça raison, mais une erreur. Mais oui, ça avait été soulevé d'ailleurs. Mais c'est une erreur gigantesque. Ouais. Hein. C'est dingue quand même qu'il a pas vu quand il est sorti son film, le mec. Ouais, d'ailleurs, on a célébré la date qu'il avait inscrit dans le 1, là. C'était quelle date, tu te souviens ? Le 15 février. Ah ouais, 2015. Ouais. C'est octobre, non, c'est octobre. Octobre. Ah, c'est octobre. C'est le 15 octobre, alors. C'est en octobre même que j'étais à un événement pour accueillir Marty McFly et c'était naze. Mais c'est ah pas ouais, grave. Je me souviens. Ah voilà. 21 octobre, je crois. Ouais. Salut Vin, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Est-ce que je peux venir au studio pour passer une meilleure soirée à boire. Que seul chez moi ? C'est JC de Saint Peter Slave. Ah, et tant que tu ramènes à boire pour ton anniversaire, il n'y a pas de problème. Tu ramènes du chocolat en poudre. Ouais, si j'aime. Alors, si tu me trouves du lisomucil en goutte qu'on met dans un inhalateur, eh ben, avec plaisir. En suppositoire. C'est très bizarre. Hein. Niveau effets spéciaux, Jurassic Park, c'est un truc de dingue déjà à l'époque. Mais niveau scénario, pour se marrer, Retour vers le futur est bien mieux. Voilà, c'est ce qu'on nous a envoyé. Les amis, voici de Shinsekai sur Fun Radio avec Alter Ego. Oui. Qu'est-ce qui arrive dans quelques secondes, François ? La Google traduction, le dragophone, ça va ? Ouais, très bien. Okay. Lara, t'es prête pour la Google ? Ouais. Oh, ah bah, c'est, c'est juste après Terrego. Vince, tu te trompes sur le paradoxe temporel. Mais non, il y a un paradoxe, justement. Tu ne peux plus revenir dans le futur que tu as connu puisque t'as altéré le passé. Ah bah oui. Te donner le meilleur, je sais. Une femme comme toi, comment laisser tout ce que je ressens, Dieu seul le sait. Je veux compter sur elle, on se connaît. Toi et moi, c'est pareil, ton pied, mon pied. On est passé du pluriel au singulier. Il n'y a qu'à tes côtés que je suis complet. Plus rien ne me manque quand tu es là. Tu es là, tu es là. Plus rien ne me manque quand tu es là. Tu es là, tu es là. Et tu me comprends sans que je dise un mot. Ce qui nous va diviser en tout faux. Supprimer les faux. On ira plus loin. Sans se voir. Et si ce monde est faux, tu es la seule chose qu'il me restera de vrai. Souvent j'en perds mes mots et c'est le très haut. C'est à quel point je suis fier. Et tu me comprends sans que je dise un mot. Ce qui nous voit diviser en tout faux. Supprimer les faux. On ira plus loin ensemble que solo. Ce que j'étais, j'étais. Je ne laisserai personne te blesser, blesser. Tu m'as piqué, ce qui est fait, fait. T'es mon ami, mon double et mon bébé, bébé. T'es ce que je suis, ce que j'étais, j'étais. Je ne laisserai personne te blesser, blesser. Tu m'as piqué, ce qui est fait, fait. Ce qui est fait, fait. Ce qui est fait, fait. Et tu me comprends sans que je dise un mot. Ce qui nous va diviser en tout faux. Supprimer les faux. On ira plus loin ensemble que seul. Et tu me comprends sans que je dise. Qui nous va diviser en tout faux. Supprimer les faux. On ira plus loin ensemble que solo. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. De Shinsekai. Et vos messages de 3044, on me dit Vince, soigne-toi aux huiles essentielles, teint pour la respiration. Ouais. Signé l'infirmier masqué. Merci toi, infirmier ténébreux, ça m'a fait plaisir. Aux huiles essentielles. Oui. Je vais aller chez Yves Rocher, je vais trouver ça. Vince, c'est comme une tartine de Nutella. C'est vous dire s'il est bon. 20h, 23h, Vince sur Fun Radio. Oh yeah, Vince, vous avez des verres, j'apporte le champagne. Ah, c'est pour son anniversaire. Alors on a des tasses. Ouais. C'est une histoire vraie. On a des que, on a plus que des. Oh, elle est forte en genoux ce soir. C'est des tasses sur lesquelles il y a marqué. Modus, je viens de l'installer sur mon téléphone. Ah, tu joues à Modus avec Thierry Carreau sur ton téléphone. Ouais, et une autre aussi parce qu'elle est un peu trop lente comme application. Alors je joue à ça et tout, ça me détend. Justement, attendez. Alors je dois vous dire deux choses. Avant qu'on se mette en mode dragophone dans quelques secondes, je lis vite un message au 3044 avant également qu'on ait Lara qui nous fasse la Google traduction pour repartir avec vos cadeaux. Alors, on me dit. La Google, donc la personne qui m'a dit Vince, tu te trompes sur le paradoxe temporel. La personne me dit, donc on parle de retour vers le futur 2, ça devient un débat. Doc l'explique clairement sur le tableau qu'en revenant dans le passé, Biff a créé une ligne temporelle alternative et parallèle à celle dans laquelle ils sont dans le futur. Oui, donc, mais ce qui veut dire que lorsque Doc, lorsque revient Biff dans le présent, revient dans le leur, enfin le futur, parce que c'est, le présent c'est 85. Mais arrête. Le futur c'est 2015. Oui. Et le passé c'est 1955. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire que Biff revient en 1955. Fait de lui un homme méga riche. Donc normalement 85 c'est un 85 prime. Voilà. Ah voilà. Et donc du coup le 1985 a changé et quand ils reviennent en 85 ça a changé, mais ce qui veut dire que 2015 aussi a changé, ça veut dire que Biff en fait ne peut plus revenir dans la réalité que de Marty McFly et Doc, c'est fini. Mais non, mais il y a de fratricides quand tu écoutes ça. Non mais c'est clair ou pas clair? Attends, appelle-le moi. C'est pas clair. On croirait un cours de science. On va l'appeler, on va l'appeler. On comprend rien à ce que tu racontes. Je ne vais pas lâcher. Non mais attends, c'est donnez-moi un tableau. Alors tu vois, nous sommes dans cette ligne temporelle. Et Marty, attention parce que nous. Mais pourquoi il pourrait pas revenir au même moment? Parce que si il a altéré le passé. Mais il a altéré de quoi? Il a changé, il a donné l'almanach. Oui, d'accord, et alors Tu sais, c'est quoi l'almanach des sports ou pas? Bah, c'est les résultats des sports, quoi. Donc, ça veut dire que Biff devient, comme il se le donne à lui-même, devient un homme milliardaire. Ok, alors. Ok. Quand il va revenir, il sera riche aussi. Oui, mais quand Doc revient chercher. Comment il s'appelle? Marty. Oui. Quand Doc revient chercher Marty en disant Marty, tes enfants dans le futur. Normalement, cette réalité-là, elle doit être changée. Voilà. Eux doivent disparaître. Pas pourquoi. Mais parce que l'autre est déjà parti dans le passé, donc en fait le passé change. C'est pour ça que quand le film est sorti, personne a grillé, tu vois. Parce qu'il comprend pas pourquoi. Ah non, on comprend pas pourquoi, toujours pas. Non, mais rien, c'est très simple. Écoutez bien les auditeurs. Si les auditeurs ont compris, dites-le moi au 3044. Ouais. Si ça vous saoule, dites-le moi aussi. Ouais. Y a pas de problème. Moi perso, ça me saoule. Ils sont en 2015, d'accord. Ils retournent dans le passé. Ok. Donc Biff prend la DeLorean, retourne dans le passé de 1955. Faut bien écouter, hein. Se donne à lui-même l'almanach des sports qui lui permet de devenir un homme riche et puissant. Oui. Quand Biff revient dans 2015, Marty et Doc montent dans la DeLorean, retournent en 1985 où ils ne retrouvent plus les choses comme avant. Ok. Parce que le passé était altéré. Et ben ça c'est une erreur. Parce que quand Biff revient déjà lui de 1955 à 2015, ça a dû changer à ce moment-là. Ouais, mais ça va. Non, complique pas. Non, mais attends. est-ce que la personne décroche, la spécialiste en retour dans le futur? Ah, c'est dommage. Non, mais pourtant, c'est... vous avez compris ou pas, vous, dans le studio? Je crois qu'il dorme. Même la relativité d'Einstein, c'est plus simple. Ouais, net. Parce que là, et bah, figure-toi que pour parler. Non, ça va, j'arrête. Mais pas raison, parce j'arrête. Que... Bon, Lara va se lancer tout de suite dans son ukulélé, s'il vous plaît, sa Google traduction. On nous dit, alors Vince, regarde, t'as tort, Marty et Doc retournent à nouveau dans le passé pour faire en sorte que Biff n'ait pas l'almanach des sports. Oui, mais ça, c'est techniquement impossible, vu que normalement le futur a déjà dû changer. Mais ça va, écoute. Non, mais je vais le faire comprendre. Tu sais quoi, on se loue la cassette samedi, on regarde ça ensemble, on est tranquille. Rachel, et tu nous expliques avec un vrai tableau. Non. Et tu sais quoi, tu vas faire un tableau et tu vas. Amenez-moi un tableau. Non, pas maintenant. Va me trouver un tableau, s'il te plaît. Trouver un tableau. Je m'en fous, je vais le faire pendant la pub. Trouve-moi un tableau. Bon, Lara, tu es prête? Yes, je suis prête. Ok, ça va. Tu sais quoi, je vais le faire en vidéo comme ça, je vais mettre ça sur. Bref, voilà, vous me saoulez. Parce que personne comprend. Non, personne comprend. J'ai l'impression d'être un incompris. J'ai l'impression d'être Donald Trump, quoi. Bah, c'est un peu ça. Il est compris, lui. C'est ça le problème, en fait. Il est tout compris, ouais. Voilà. Bon, attention, les amis. Lara, tu es prête? Je crois, oui. Mais tout à l'heure, je vais vous parler d'un nouveau manga que j'ai découvert et qui est le plus what the fuck que j'ai vu de toute ma vie, je crois. Alors, attention. Lara va nous lancer la Google traduction. Oui. Et ça commence. Alors je cherche le vrai jingle de Lara. Ah, parce qu'il y en a deux. Ah oui. Ouais. Ah, il y a le mien et il y a le tien. Ah ouais. Ouais. Il y a la Google pourrie et la vraie Google. Ah non. On prend juste celle de Lara. Alors, d'accord, il y a quelqu'un qui a supprimé le jingle Google traduction de Lara. C'est pas une blague. Je te le jure. Bah écoute, j'ai que ça. Vous avez déjà entendu une casserole chanter? Ah, c'est le mien. Préparez-vous, car le Franz Sosich ramène toute sa cuisine. La Google traduction. Alors je suis déçu. C'est le Franz Sosich. Je suis déçu. Vous avez déjà. Mais ça va. Et je suis déçu. Quelqu'un a supprimé ton jingle, Lara. Je suis désolé, Lara. Ah, alors ça sent le Franz Sosich. Non, c'est pas moi. Non. T'es sûr? Non, c'est pas moi. Bah, et non. C'est ouf quand même. Quelqu'un a supprimé. Non, ils ont fait du ménage. Ouais, ils ont fait du ménage partout. En fait. Ah ouais. Bah un jour, c'est tous les jingles d'émission qui vont disparaître. Bah c'est pas grave. T'es prête, Lara? Yeah, je suis prête. Si vous trouvez la bonne réponse, allez-y par SMS au 3044. Oh, c'est une gogole au ukulélé aujourd'hui. Bah oui. Oui, parce que je m'aime au ukulélé. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Il vient de le dire en même temps. Il y a une ambiance qui se dit. Il n'y a rien de prodigieux dans cette vie. Personne n'est content. D'accord, merci. Bon. Vas-y, tu peux le faire. Bah non, j'ai du temps. Allez, donnez-lui une pièce, mais. Ah, non, c'est bon, ça va. Ah, ça faisait longtemps la gogole. C'est fou. T'étais mon soleil. Ah, j'ai trouvé. T'étais ma terre. Mais t'as jamais vu à quel point je t'aimais. Non. Oh. Oh. T'as saisi ta chance. T'as fait d'autres plans. T'as jamais cru qu'il pourrait s'effondrer. Non. T'as pas besoin d'expliquer ce que t'as fait. Je le sais déjà. Je l'ai appris par elle. Vous n'êtes pas concentré, hein? Si, si. Là, il n'y a aucune chance pour toi et moi. Il n'y en aura plus. Ne fais pas celui qui est triste. Tu m'as dit que tu m'aimais, mais tu m'as laissé toute seule. Ah, merde. Tu dis que t'as besoin de moi quand tu m'appelles tard le soir. Mais mec, je refuse. C'est toujours je crois que tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre. T'as coupé court, maintenant c'est ton tour. Ton tour de me pleurer une rivière. De me pleurer une rivière. Non. Pleure-moi une rivière. Pleure-moi une rivière. Oh, oh. Allez, si vous avez une réponse, je vous l'envoie par SMS au 3044. Vous repartez avec des cadeaux. Bon courage à vous. On va accueillir Laurent et Sanjeev. Bon, bah, dans quelques instants sur Fun Radio. Ne bouge pas, Lara. Ne t'inquiète pas, Lara. Non, on arrive à toi dans quelques instants. Je crois que c'est la dernière Google traduction de l'année. J'ai l'impression qu'avec Lara, on perd toujours beaucoup de temps dans cette émission. Mais rien à foutre. Mais non, Lara, c'est juste que les 42 fait que le temps avance. Moi, voix de Fun Radio, j'écoute Vince de 20h à 23h car ça met de bonne humeur. Eh hey, les gars, un qui vient chez moi, je sors ma matraque. Tous les soirs, dès 23h, Libertad, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. Jean-Pierre Castaldi, invité exceptionnel ce soir dans l'émission. On va se faire l'interview inversée, Jean-Pierre. Donc tu dis tout l'inverse de ce que tu penses. Oui. J'adore ce petit jeu. Qu'est-ce que tu penses de Secret Story? Oh, que c'est extraordinaire. Là où c'est formidable, c'est l'intelligence des gonzesses. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu disais tout à l'heure, c'est le roi de la touffe, quoi. Car ce soir, à 23h, pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space, avec Mike, le soir sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Les sons. Dance. Dance floor. 20h à 23h, Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas ? Will William sur Fun Radio avec On s'endort, on est en direct, j'espère que ça se passe bien pour vous. Pas là, ah non, vraiment pas. En antenne, je viens de vous faire le cours de Retour vers le futur. T'as compris ou pas maintenant? Non, toujours pas, je t'ai pas écouté la fin. J'ai pas écouté la fin, je regardais mais c'est temps. Pas possible, c'est quand même clair. Mais pour moi, ça, je vais t'expliquer après, t'inquiète pas. Oh purée, bienvenue sur Fun, on arrive. Il est 5h du mat. Les moutons, je les ai comptés. Le silence me met des claques. Je suis en pleine négociation avec Morphée. Je suis foutu, j'ai pas sommeil. 4h avant de l'aller taffer. Toutes les nuits sont pareilles. Je suis en tête à tête avec mes pensées. Bienvenue sur Fun Radio, il est 20h56. Et en antenne, j'ai pas arrêté d'expliquer toute l'histoire de Retour vers le futur. Il est fatigué, Kaufman. Mais Kaufman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. Mais je t'ai vu, dès que j'ai expliqué, j'ai fait le débrief, t'as mis la tête sur la. Il est parti, t'as vu, il est parti pendant l'explication. Désolé si je te saoule. Mais pas du tout. Non, regarde, il assume plus. File-moi un verre de gingembre. Ah, ça réveille le gingembre. Je vais me saouler au gingembre. Je vais mettre une cuite au gingembre, c'est ça. C'est quand même un truc de ouf. Hein. Alors on a dit non, puisque c'est le Marty du 2 qui va dans le futur et qui achète la Lana avant d'aller justement dans le passé le récupérer. C'est juste logique. Mais non. Bah non. Puisque techniquement, il ne peut plus. Ça n'existe plus. C'est-à-dire le futur de 2015 avec Marty et le Doc n'existe plus. Mais il y a un lien entre le 1 et le 2. On ne peut pas considérer que c'est deux films différents. Non. Alors là tu casses toi, tout. Toi t'es con toi. Non mais est-ce que apparemment c'est ça qui bloque. Bah attends. Non parce que dans un sens si jamais il y a. Et on parle de réalité, de futur, de trucs temporels là. C'est fort. Il explique un moment je crois qu'il peut y avoir plusieurs passés, plusieurs futurs différents. Ah. Et ça arrive et c'est à ce moment et c'est là en fait. Oui. Il arrive dans un autre passé. Il a une réalité alternative, mais c'est à dire que Biff n'a aucune possibilité de se retrouver de nouveau dans le même contexte que Marty et Doc. J'ai tout écrit sur un tableau. Ouais, ça c'est vrai. C'est impossible qu'ils reviennent dans ce 2015 là. Donc c'est une grosse erreur dans le film. Moi je suis d'accord. Mais nous on mange du gingembre. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est genre, gingembre ça fait réfléchir. Hein. Alors il dit dans le film qu'ils n'ont pas encore acheté l'almanach. Donc ça n'est pas qu'une logique. Pour le coup, c'est toi qui comprends pas, Vince. Patricia, attends. Dans le 1, Marty n'était pas encore parti dans le futur. Donc les choses ne savaient pas changer. Et puis même quand le Doc dit il vient avec moi dans le futur, Marty n'avait pas encore acheté l'almanach. Donc tout ça n'est qu'une logique. Pour le coup, c'est toi qui comprends pas, Vince. Patricia. Oula, Patricia, ma chérie. J'ai pas compris ton message. Parce qu'en fait, dans le 1, ça se passe à quelle époque? En 1955. Voilà. Ça se passe en 85 et il revient en 55. Ça part de 85 jusqu'en 55 pour revenir en 85. Voilà, d'accord. Oui, ok, mais en fait, le présent, c'est 85 et lui, il retourne dans le passé, en 55. Voilà, oui. Et l'almanach, il achète où? Il l'achète en 2015. Ah, donc. Il achète dans le futur de 2015. Dans le 2, alors. Il achète dans le 2. Ah oui, dans le 2. L'almanach des sports, c'est dans le 2, c'est pas dans le 1. Voilà, donc dans le 1, il est en 85. Il retourne en 55 pour que 85 se passe mieux. Oui, voilà. Enfin. La raison pour laquelle ils vont en 2015, je comprends pas toujours pas pourquoi, mais bref, ils font ça parce que il faut réparer les enfants, le voilà, bref. Pour en fait, pourquoi est-ce qu'ils retournent dans le passé dans le 1? Dans le 1, c'est un accident qu'il a dans le passé. Ah, c'est un accident. Il l'actionne sans faire exprès. Voilà. Voilà. Et au final, il change des choses, donc ça complique le bazar, et donc il essaye de remettre ses parents ensemble, etc. Parce que lui ça, est là, et sa mère tombe amoureuse de lui. C'est ça, il a fait une connerie, c'est retrouvé au mauvais moment, et donc du coup, il peut disparaître parce qu'il a pris la place de son père. De son père. Voilà, très bien. Et qu'il doit corriger ça le plus vite possible, sinon ça disparaît. Voilà. Ensuite, tout va bien dans le 1. Voilà. Dans le 2. Oui. Il est où? Il est retourné en 85, la vie est belle. La vie est belle, voilà. Mais le Doc vient en Doc disant, avec sa DeLorean bio organique là. Voilà, oui, tout à fait. Mister Fusion. Oh mon Dieu, tu dois aller dans le futur parce que quoi? Parce que tes enfants ont des problèmes. Voilà. Alors que normalement, techniquement, tu peux régler ça avant. Ils ont des problèmes parce que je les avais éduqués. Ouais, c'est-à-dire que Doc pouvait dire aller voir le père Marty et dire écoute, parce qu'en fait, Marty, il sait bien. Que Doc est dans les parages. C'est ça, oui. Vu ouais, que c'est son futur. Il voilà, le sait. Voilà. Moi, voilà. J'ai un truc, je vais appeler le Doc pour vous tous. C'est sûr, quoi. Voilà. Et donc. Et donc, du coup, quand ils sont dans le futur, ouais. Marty, il se dit ah, ma vie de 85 va être meilleure, je vais prendre l'almanach des sports et je vais me le filer à moi-même. Enfin, non, je vais le garder. Oh. Et comme ça, j'aurai les résultats de 85 à 2015. Oh, mais en fait, il est malhonnête. Sauf que le Doc lui dit que tu peux créer une faille spatio-temporelle et machin, voilà. Qui arrive à la destruction de l'univers. Sauf que Biff l'entend. Biff vieux. Donc, en 2015, donc Biff récupère l'almanach, prend la DeLorean, retourne en 55. J'aurais dû voir le film. Donne l'almanach au jeune Biff. Voilà, à lui plus jeune. À Biff jeune. Ce qui veut dire que là déjà, normalement, c'est la fin du film. Normalement. Là, c'est la fin du film, parce qu'il a tout changé. Voilà. Et donc, c'est impossible que Biff retourne dans le futur de 2015. Voilà, et c'est impossible que le 1 soit le 1, que le retour futur. En fait, ça annule tous les films, voilà. Oh, est-ce qu'on fait le 3 ce soir? Parce que alors, je pars. Alors, figure-toi. Que dans le 3. Bon, attends, Denis, je vais vite en parler avec Denis, puis je vous promets, on va passer à autre chose. Moi, je trouve que c'est assez clair, ce qu'on a dit. C'est libre antenne, les gars, on est spontané, il se passe un truc, c'est tout. Denis, bonsoir Denis. Bonsoir Armin. Ça va Denis, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Denis, bon, je voudrais avoir ta théorie. Ah non. Explique-moi. T'en penses quoi? Ben, je vous ai écouté un petit peu parler, là, donc énumérer le premier film, le voyage dans le temps, le retour, il y a des choses qui sont impossibles. Eh bien si, Biff, c'est possible en fait qu'il revienne en 2015, au moment où Marty et Doc sont toujours en 2015, comment, et ne sont pas impactés par le changement qu'il a fait. Et pourquoi? Ça se passe à Hilldale. Et ce que Biff a changé se passe à Hill Valley. Ouais, mais non, ah les gars. Ouais, non, ça n'a pas non, été non, impacté. C'est pas deux galaxies différentes. Denis, vous devez voir en quatre dimensions. Attends, parce que si tu changes un truc dans une petite ville, ça change absolument tout. Surtout que Hilldale et Hill Valley, c'est deux villes en fait. Mais c'est juste connaissent. C'est juste à côté. Non, mais lui, il va plus loin dans un truc métaphysique de se dire c'est des univers pareils. Je suis ton raisonnement, mais c'est une grosse question qui tourne autour de Retour vers le futur, en effet. C'est une erreur. Mais alors, il y a une scène cachée dans laquelle Biff revient effectivement avec la voiture, mais Biff paraît que Marty a disparu lui-même sur la scène à la fin du film de Retour vers le futur 1. Ouais. Marty commence à disparaître. Sa mère commence à disparaître. Oui. Et puis son père embrasse sa mère et après il est sauvé. Oui. Il y a une scène coupée qui est dans tous les bonus DVD où tu vois Biff disparaître lui-même derrière une poubelle en 2015. Donc en fait, il a bien modifié son propre futur, mais il est retourné là où il était parce que ça n'a pas changé au niveau de la ville d'Hildel. Ça n'a rien changé au niveau de la timeline. Ouais. Ils ont fait la scène pour récupérer leur erreur. Hein. Parce que c'est juste un petit astérisque, juste pour essayer de se dédouaner. Putain, merde, les mecs, on a fait une connerie, il faut vite qu'on retourne une scène parce que sinon on est grillé. Ouais. Mais elle n'a pas été ajoutée. Voilà. Mais c'est malin. Tu sais quoi, je vais aller acheter le DVD, je vais aller mater la scène coupée. Mais vas-y maintenant. Sinon ton futur va changer. Voilà. En tout cas, et j'adore parce qu'il y a un mec qui a le numéro qui termine par 74, puis tout à l'heure, il n'arrête pas d'écrire nique sa mère, retourne vers le futur, je pète les plombs. Il en veut plus, mais c'est moi en vérité. Allez, bisous Denis, bonne soirée. Hein. Bonne soirée, ouais. Bisous, à bientôt, ciao ciao. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont les regarder Retour vers le futur en se disant mais putain, faut qu'on analyse le truc dont ils ont parlé à la radio. Ouais, là. C'est sûr que tu leur as donné envie là. Ah bah oui, putain. Et après, je vais parler du manga le plus what the fuck que j'ai envie de ma vie. Ah oui. Le manga le plus. Attendez les gars, c'est une histoire bizarre. Hein. Ah, bien lequel sûr, attends, manga. Ça s'appelle Le Retour des Titans. Assassination Classroom. Mmh. Ah. Bah voilà. Assassination Classroom. Alors là, en fait, il y a une classe qui se trouve en 1832. Mais en attendant, on a Laurent qui est là. Salut Laurent. Oui, bonjour. Bonjour là, Laurent. Bonjour. Laurent et Sengis, coupe ta radio. Sengis, coupe ta radio. Ouais, Genghis. C'est gentil. C'est comment c'est ça bon se prononce? Genghis, c'est ça comme Genghis. Bah oui, comme Genghis Khan. Voilà. Genghis Khan. Intelligente ici. Ah écoute, mademoiselle est multiculturelle, avec une naissance turque, hein. Bah quand même, c'est un mongol, c'est un de mes ancêtres. Et attends, ça va, j'ai au moins mongol. C'est lui qui lui a pris la gogol traduction. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Vince? Genghis, tu m'entends? Genghis. Ouais, c'est bon. Ça va, Genghis, on va jouer au dragophone. Tu préfères qui avec qui ce soir? J'ai déjà mon petite idée entre Lara et Kaufman. Pardon? Ok, tu veux faire équipe à qui entre Lara et David de Smart Toys, Kaufman? Ben, je vais prendre David. Hein. Voilà. Ah. Attends plus tard. Hein, pour et Laurent va faire équipe avec Lara et ça va commencer dans quelques instants sur Fond Radio. Le dragophone, on téléphone à des gens, il faut tenter de se faire inviter chez eux. Oui, pas évident, on arrive. Yeah. Pendant qu'on est en train de faire cette émission, Lara nous chante des chansons de 1980. Salut bande de tarés. Oh là là là. C'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Billy et Dorothée. Non. Mais comment c'est que le français, je connais ça, il était pas né? Bah non, mais je viens de l'entendre là en fait. Voilà. Ah, il a une mémoire photographique. Ça explique tout. Ça va tout le monde, vous allez bien, tranquille? Oui, ouais, toi, Vince. Ah, ça va. Ça va beaucoup mieux depuis que tu m'as soigné, Lara. Je comprends pourquoi t'as la pêche comme ça. Ah, t'as vu ça, putain. Ah, t'es une droguée en fait. Hein. On a filé du gingembre là avec du jus de citron et puis du magnésium aussi là. J'ai l'impression que mon corps va exploser. Et de l'équinacea. Le Dragophone sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, on commence avec Genghis. Genghis. On commence avec Genghis tout de suite. 25 BX. Next Genghis. Merci, tiens. La Mongolie. Et d'ailleurs, je vous rappelle, en parlant de Next Gen, de console, de Smart Toys, ils offrent un cadeau qui n'a rien à voir, c'est un tour sur le circuit Zolder. Ouais, on va vous emmener en karting, vous allez pouvoir eh bien, être le copilote d'un, d'un pilote professionnel dans la voiture Smart Toys, c'est une belle voiture. Et puis on vous invite à déjeuner sur le circuit. Sympa. C'est pour nous, c'est cadeau. Je vais manger des fruits de mer juste avant. Oui, juste avant de venir. Ouais, comme c'est si bien. Ça va être sympa, ça va être sympa. Bon. Avec la fenêtre ouverte. Attention, on va commencer avec toi, c'est parti, on va appeler quelqu'un dans quelques secondes, mais d'abord, j'ai Gabriel dans le standard. Salut Gabriel. Salut. Yo Gabriel, c'est quoi la réponse à la Google traduction de Lara? Oh Gabriel. C'est Cry Me a River de Justin Timberlake. Yeah, il est italien, Gabriele. Oh, Gabriele. Oh, vous allez me mettre une Gabriele. Alors, c'était bel et bien Cry Me a River de Justin Timberlake. Bravo. Voilà. Bravo, oui, bravo. Et la prochaine chanson qu'on va s'écouter, c'est Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. Ah, le nouveau. Voilà, le tout nouveau. Elle est bien. Il arrive tout de suite. Gabriel, bravo à toi. On prend tes coordonnées tout de suite. Je passe Coralie, ça va? Merci. Bisous. Le mec, il est en train de courir sur la route. Ciao, ciao. Ah ouais, le pauvre, il y a encore des emboutes là. Yeah. Bon, attention, c'est Genghis, t'es prêt? Genghis. Excuse-moi, j'ai un petit peu, j'ai des petits morceaux de gingembre et des pépins dans la bouche, ça fait bizarre. Allez, c'est parti. J'attends que Rally nous mette quelqu'un dans le standard. Hein. Pour le bien. Il joue avec qui lui? Ah, il joue avec Kaufman. Non, avec Grand Front. Ah oui. Mais si tu jouais avec Frontman. Frontman. Hey, prends un peu de gingembre, ça va te réveiller. C'est vrai, prends un petit peu à goutte. Ouais, goutte un peu. Ça fait longtemps que t'as pas bandé. Vas-y. C'est la seule femme qui a un arbre à gingembre, Lara. Oui. Tous les matins, elle cueille. Allez, on y va. La la la la. Y'a Kaufman. Allô. Vas-y, Kaufman. Oui, bonjour. Ah non, en fait, j'ai une lettre à vous. Est-ce que je peux passer, s'il vous plaît, pour vous la déposer? Qui êtes-vous? Ben, je suis votre voisin, en fait. Mon voisin? J'ai pas de voisin, j'habite dans la campagne avec des vaches. Mais c'est juste pour déposer ma lettre en fait. Est-ce que je peux passer vous la déposer? Parce que j'ai une lettre à votre nom, quoi. Et donc, voilà. Bien, oui, ça va, j'arrive. Et c'est gagné! Waouh! Eh ben, c'était rapide, hein. Ah, facile pour lui. Et je m'y attendais pas. Bon, bah, parfait. Laurent, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Oh, hey, il a mis une claque. Genghis, machin. T'as du mal, hein. C'est un peu comme Guy, quoi. C'est pas Guy. Sort Genghis. Allez, c'est parti. Pour Laurent, on appelle tout de suite. Let's go. J'ai remarqué, on n'arrive jamais à respecter l'horaire de cette émission avec Lara dans l'émission. Le jeudi, c'est mort. Hein. Le jeudi, c'est notre émission. En fait. Ouais, grave. On est dans un autre temps. Tu vois. On est bouffé, on ne sait pas respecter le timing. Vous vous amusez quand même. Ah, ouais, oui. C'est le jour où je m'amuse le plus. Je m'amuse. Je m'emmure le plus. C'est le jour où je m'emmure le plus. C'est pour ça, en fait. Allô? Mais bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. En fait, j'ai eu un recommandé. Je fais partie de l'immeuble d'à côté, et c'était pour savoir si je pouvais vous le remettre en main propre, s'il vous plaît. J'ai pas compris. Je dis, en fait, j'habite dans le même patelin que vous, et en fait, je voudrais vous remettre du courrier en main propre. Parce que le facteur, il m'a donné, mais je sais où vous habitez, donc est-ce que je peux vous le rapporter? Ok. Si ça vous dérange pas. En dessous de la porte, pas moi. Je vais pas vous ouvrir à cette heure-ci, monsieur. Non, mais juste passer et vous le mettre en dessous de la porte ou vous le donnez en main propre, quoi. Bah, mettez-le dans ma boîte aux lettres. D'accord, ça va. Il y a pas de souci. Je rentre demain matin. Il peut gagner. Merci. Bah, je sais pas. D'accord, de rien. Moi, je trouve que. Si, un peu quand même. Non. Pour un 2 juin 2016, sachant que juste avant, il y a eu un autre dragophone où ça n'a pas été précisé, mais sous-entendu, parce que je viens vous déposer... En gros, tu veux dire quoi? Il a gagné. Allez, ça va, j'accorde la victoire. Voilà. Ouais. Non, merci. Très bien. Pour la team Alara, je rappelle, et maintenant qui s'y colle, d'abord on va lancer Kaufman. D'accord. T'es prêt, Kaufman? Bien sûr. Tiens, au 34, quelqu'un m'a demandé si c'était circoncis. Circoncis. Genghis. C'est circoncis. Alors qu'on dit là-bas. Circoncis, bien sûr, mais normalement c'était circoncis. Je te montrerai pendant la pub. Ah bien. Alors c'est parti, la pub tout de suite sur Fun. Attends, voilà. Nous sommes circonspects. C'est bon, j'ai lancé Justin Timberlake, vas-y montre. Je suis circoncis, je te confirme. Oh mon dieu. Du front aussi. Oh purée. Et je m'attendais pas à celle-là. Je m'attendais pas à celle-là. Allez, c'est parti. Depuis le 1er septembre, il attend de la placer. Oh non, allez, c'est pas cool. Quelqu'un nous a écrit Kaufmann, il a le Front National. Non, c'est pas cool. Ça, je le dois à Francesi. Faites des jeux de mots avec Front, s'il vous plaît. Au 3044. Sur Kaufmann. Allô. Allô, c'est Louis le plombier à l'appareil. Allô. Allô. Oui, dites-moi, suite à de nombreuses plaintes, on va passer chez vous pour déboucher, on arrive, c'est bon? Je vous reçois pas très bien là, monsieur, parce que... C'est Louis le plombier, je te dis. Comment? C'est Louis. C'est qui, Louis? Louis le plombier. Oui. Alors, on va passer chez toi, parce que tes voisins, ils se plaignent que ça pue. On va déboucher les canalisations. Mais c'est... Tu sais qui se plaint comme ça? C'est tes voisins! Prends une mousse, gamin! Il est bourré. J'arrive! Oh, tu vois! Oh, j'ai pris trop de temps! Bah oui. J'ai pris trop de temps! Attends, attends, il est toujours là, il est toujours là, ah, il n'est pas raccroché! Allô, Louis! Non, si, si, si, si! Mais si, il a raccroché! Ah, on dit Kaufmann, hein, qu'elle est frontée! Ah, désolé, désolé, malheureusement, c'est pas passé! Joli pour la blague, l'effronté! Oui, très joli! Alors, attention, on relance ça tout de suite, et c'est Lara! Yeah! T'es prête, Lara? Oui. C'est parti. Ah oui, drôle celle-ci. Elle est drôle. Ah oui. Il est là? Allô? Allô? C'est bon, là. On appelle. Attends, non mais... Il fait des gestes bizarres. Des gestes chelous, il a pris. J'attends que le truc arrive sur mon standard téléphonique. Il s'est fait électrocuter, ouais. Après tu te sens pas bien comme ça. C'est pas des gingembre qu'il a pris. T'entends le bruit? On dirait les vieux téléphones dans les vieux cybercafés. À 4 ans ou quoi? Retour dans le passé, là. Ah non, commence pas. Ça va le relancer. Mais d'ailleurs, figurez-vous que... Au bled, comme ça, quand t'appelles de l'épicerie, tu sais, t'entends ce bruit. Brrr, t'appelles la Belgique, t'es là. Allô? Oui? Oui. Bah en fait, c'est pour dire que j'arrive. Avec ce que tu m'as commandé. Pour le dîner. Du gingembre. Je crois que vous trouvez le numéro. Mais non, allez, c'est moi, hein. Arrête. J'arrive, ok? Allô? Cécile? Vous trompez de numéro? Ah, mais si je me trompe de numéro, je suis vraiment désolée, mais j'arrive quand même, j'arrive quoi, ok? Comme vous voulez. Voilà, j'arrive. Ok! Bon, bah c'est gagné! C'est incroyable, j'ai l'impression que Lara a traversé les frontières de la victoire. Les frontières! Les frontières! Ah, j'ai compris la vanne! On dit, je connais Kaufmann et c'est un gars assez fronté. On l'a déjà On l'a déjà eu. Moi j'ai envie de dire. Y a pas beaucoup de jeux de mots avec front. Si, y a Thierry le front. Ah oui, Thierry le front. Thierry la front, j'ai pas Thierry eu, le front. J'ai pas pensé. Allez, bois ton gingembre à front. Tu vas au ski parfois? Tu fais des front flips? Tu connais Afron Jack? Oh là là! Oh le pauvre Kaufmann, ce soir il encaisse. Mais quel affront! On le vanne, on le vanne. Grand front malade! Oh là là! On nous dit Kaufmann 2-4-2. 2-4-2, pourquoi? J'ai pas compris. Non. Bah 2-4-2. Kaufmann 2-4-2. Non, par contre, moi j'ai un. Mais c'est un peu morbide. C'est vas-y. Quoi? Dans quel type d'accident Kaufmann il meurt? Oui, frontal. Dans un frontal. Bon, allez, ce soir, triste. C'est visiblement Laurent qui a eu la grande victoire. Bravo Laurent. Bravo. Merci, merci, merci, merci, merci, merci. Mais là, on a tous gagné. Genji's, attends, parce que Genji's il a. Mais non, pas du tout. T'as mais. Je vais vous expliquer. Tu m'as expliqué avant-hier ce qu'on sait. C'est égalité. Alors, déjà, vous avez tous ensemble bien fermé vos gueules, ok? Parce que vous parlez tous en même temps et on comprend pas ce que vous dites. J'ai envie de dire. Genji's. Tu vas avoir ma bite de circoncis dans ton. J'ai perdu mes écouteurs. Bon. Genghis. Genghis. Genghis, je fais exprès là. Comme à ta guise, à ma guise. Bon, Genghis. C'était. Pas, toi. En fait, Laurent a eu la big victoire, mais t'inquiète pas, comme toi t'as marqué des points, bah t'as gagné aussi. Hein. Ah, voilà, faut pas paniquer. Hein. Le mec, il a débarqué avec des fourches et tout. C'est ça. Il a le mec, il allait faire grève de Fun Radio, il a plus écouté, tu vois. Il allait faire. Voilà, j'allais avec la concurrence. Mais non. Il allait faire la paralysie SNCB et tout. Bon, et bisous, les amis. Passez une bonne soirée. Je vous passe Coralie. Hein. Oui. Bonne soirée. Bisous, bisous, bisous. On a dit, je suis au front du trou. Voilà, il est bien son front, hein, Kaufmann. Une PS4, s'il te plaît. Allez, on a Justin Timberlake tout de suite comme premier. Can't Stop the Feeling. Qu'est-ce qui arrive tout de suite, la Françoise? Il y a à tous contre les chroniqueurs. Ah, hey, c'est quoi on a ça pas fait cette semaine. C'est un jeu de culture générale. Ah, oui. Ça y est, t'as rêvé, Lara, là, de ouf. Ah, oui, oh, il y a aussi le bon numéro pour gagner les places pour le circuit. Débrouille-toi. Débrouille-toi, je te dis. Non, c'est bon, je suis Timberlake. T'inquiète pas, on enchaîne. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer sur le circuit? Est-ce qu'il y a moyen de faire une course avec quelqu'un? Il y a moyen de s'affronter. Sacré Kaufman. Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. À chaque fois qu'il y a des jeunes qui les voient, ils veulent regarder son front, tu vois, une casquette. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. Sur Fun Radio avec Can't Stop the Feeling. Bienvenue la Belgique, bienvenue sur Fun. On est en direct dans les Brontaines. On taquine un peu Kaufman ce soir. Il y a Lara qui est dans la place. Et je salue Jean-Claude qui vient d'arriver. C'est son anniversaire. Il a décidé de fêter ça à Fun. Tranquille. Bienvenue Jean-Claude. Bienvenue. Et bon anniversaire. Allez, musique, on arrive. C'était juste 20h, 23h. Vince sur Fun Radio. Lara est tellement motivée. Elle part dans les jingles. Elle part pendant la musique. Jamais. Voilà, c'est dingue quand même. Hein. Non. Alors, on nous dit Rock Hoffman, le frontispice de Fun Radio. Ah, moi, j'aime mieux. J'ai le FMI. Le front monétaire. It's Kaufman. On vanne Kaufman parce qu'il a, il a un front gigantesque, en fait. Hein, c'est ouais. Pour ça. Et donc, tout ce qui est jeu de mots avec front, bah, ouais. On est preneur ce soir dans la Libre Antenne. On a eu... faut pas essayer de faire des affrontements avec Kaufman, par exemple. Ouais. Voilà. Vous connaissez la nouvelle fondation contre la discrimination des grands fronts? La fondation, c'est une fondation. Ouais, la fondation. Enfin bref, vous pouvez faire des mots déviés aussi. Hein. Afrojack, j'ai bien aimé. Ah ouais, Afrojack, pas mal. Le nouveau son d'Afrojack featuring ouais. Kaufman. Il est plutôt pas mal. Donc, d'ailleurs, si t'en as aussi, Kaufman, n'hésite pas. Ah oui, tu, connais, je... tu connais la comptine qu'il chante à ses enfants? Non. Ainsi, front, front, front. Ah, elle est magnifique celle-ci. Oh, les petites Kaufmanettes. Ça va aller. Boss et Linka, Monje Oji, c'est ce qui va arriver tout de suite. Donc c'est DJ Boss avec Linka et Monje Oji là. Ça va arriver. Là, on a un son là, c'est Body Trembles qui est d'ailleurs dans la compile DJ Party Fun. Hein, ah sympa. Ah d'accord. Voilà, et le son cool. va le passer dans quelques instants là, sur Fun Radio. On a François avec nous. Salut François. Salut. Yo François, bienvenue sur Fun. Ça va, tu vas bien? Ouais, tranquille. Ah bah parfait, c'est bon à savoir. Tu viens d'où, dis-moi François? Sombref. Sombref, à côté de Jean Blou, ça? Ouais, bien sombre. Un peu plus loin. Ouais. Ok. Jean Blou, fréquence, les amis du 89.2. Putain, comment tu fais? On n'a pas été à Jean Blou cette année, je suis déçu. C'est vrai, alors qu'on avait été avec toi. Au collège Saint-Guibert quand même énorme. D'ailleurs, c'est grâce au fait qu'on était là-bas avec Lara qu'on a pu faire mon incroyable école cette année. Ah, tu vois? Merci tu vois Lara. Merci. Voilà. Bah Vince, il a dit on. Hein. Ah, merci à vous deux. Oui, merci. Il a dit front. Alors, François, on va jouer. On va j'ai mal. Je tourne la tête de chaque côté, ça arrive de tous les côtés. Quoi. Non, mais. Tourne pas le front. Oh hein. C'est bien, donc, c'est bien, faites-vous plaisir. Donc, François, on va jouer à tous contre les chroniqueurs ce soir. Ah. Voilà, si jamais il y a une guerre, tu iras directement au front. Oh, la fête de la voix, ça va, la fête. Alors, tous contre, contre les. On passe la frontière. Oh là là là là là là là là. Même les auditeurs, et bientôt il y aura des jeux de mots quand ils vont aller chez Smart Toys. Hein. On ferme. Et le pauvre, il a eu un regard qui allait vers le bas. Ouais. J'imagine une petite musique douce au violon, tout triste, avec un arrêt sur image noir et blanc, tu vois. Oh putain, le bon. Il est triste, hein. Non, alors, non, pas du tout. Ah, ça va. Mais non. Donc, c'est très simple. Je vais vous poser des questions de culture générale. Ah. Au chroniqueur, puis à l'auditeur. Celui qui répond mal est éliminé. Ah. Si l'auditeur élimine les chroniqueurs, il gagne le cadeau. Je sais déjà que la finale, ça va être Lara avec Kaufman. Oui, Kaufman s'y connaît. Pourquoi? Alors, je suis foncièrement bon, moi. Ah, c'est bien. Ah, bravo. Joli. Autodérision et tout, bravo. Voilà, bien, ouais. Ça fait plaisir. Mais moi, j'écoute la Frankie Family. Décidément. ICO Santiago, nous irons jusqu'à son front, si je peux. Merci, c'est gentil. À chaque fois, on va applaudir façon grosse tête de Laurent Ruquier. Tout va bien. On nous dit Kaufman fait grève en front commun. Hey, je sais pas ce qu'ils ont au 30-44, mais ils sont chauds. Hein. C'est la fronte des glaces, c'est à cause de Kaufman. Oh putain, il est fort. Hey, ça va loin là. Bon, François, non, j'arrête, j'ai déjà fait une fois, c'est bon. Donc, attention, je vais faire un petit tour de table pour les questions. Oui. On commence par Coralie. C'est difficile. Et vous pouvez, bien sûr, si vous n'avez pas la bonne réponse, prendre sur la réponse de votre voisin. Ah on va commencer avec Coralie. C'est la même question pour tout le monde. C'est la même question pour tout le monde. C'est la même question pour tout le monde. Exactement, attention. Vous donnez juste la réponse. Quelle est la capitale de la Serbie, Coralie? Quoi? Ouais. C'est juste Coralie me répond pour l'instant. Quel enfoiré. C'est pas la Roumanie? Non, je vous ai menti un peu sur les questions. Oh là, la Serbie, j'en sais rien du tout. Allez. Je connais pas. Bah, décidément, on touche le front avec toi. Ouais, bah écoute. Dis un truc au hasard. Bah, je sais pas, je connais aucune ville de Serbie. Ok. Tu dis quoi? Dis une ville. Serbe. Ça existe pas, mais. Donc, la capitale de la Serbie, c'est Serbe. Okay. Vraiment un enculé. Lara. Moi, je dirais Belgrade. Belgrade pour Lara. Kaufman. Moi, je joue pas, c'est moi qui fais Kaufman. C'est quoi la question? Quelle est la capitale de la Serbie? Oui, c'est Belgrade. Belgrade pour lui. Et toi, tu dis quoi, François? Je vais dire Belgrade aussi, vu que j'en ai aucune idée. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ouais. Nous avons une éliminée, c'est Coralie. Oh putain, c'est comme ça, mais il commence à flipper là. Alors, attention. Bientôt, Kaufman va faire son émission de radio. Touche pas à mon front. C'est génial. Et François qui se marre derrière. Bon, allez, ça, tout va bien se passer. Bon. Ouais. Qui a écrit Notre-Dame de Paris? Oh, je passe, franchement, là-haut. Allez, franchement, je te le donne. Ah non, mais moi, je joue pas. Ah bon, pas lui. Victor Hugo. Victor Hugo pour là. Victor Hugo. Pour Kaufman. Et toi, tu dis quoi, François? Bah, j'en ai de nouveau qui m'y vient, donc Victor Hugo. Et c'est une bonne réponse, Victor Hugo, très bien. Il faut lire, hein, c'est très bien. Qui anime Still Standing en Belgique? I'm still standing. C'est Zeka ou je sais pas moi. Pour Belle Rose, Zeka. Jean-Michel Zeka. Zeka, ouais. Zeka pour Kaufman. Et toi, tu dis quoi, François? J'en ai de nouveau aucune idée, donc. Mais c'est un tricheur, merde! Et pourquoi comme les autres, hein. Zeka? Zeka aussi pour toi. Eh ben, c'est une bonne réponse, Jean-Michel Zeka. Jamais vu. Attention. Oui. Ça recommence toujours à moi. Oui. D'accord, ok. L'auditeur a toujours un avantage. Qui chante Lucie? Lucie. Facile. Pascal Obispo. Ouais, pour Lara, c'est sûr que là. Pascal Obispo. Et toi, tu dis quoi, François? De nouveau, aucune idée. Sérieux? Et donc, nul, et donc tu dis? Mais ça va, j'ai 13 ans au moins. Bah, oui. Pascal Obispo. Ah, c'est vrai qu'il a 13 ans de culture en moins que nous. Hein. Bien on sûr. A 45 ans, ouais. Je... Si on arrive au bout des questions et que personne n'a perdu, s'il n'arrive pas à éliminer les chroniqueurs, il a perdu quand même. Hein. C'est horrible. Bien sûr. Autre question. Alors, eh ben, la réponse est la bonne. Donc c'est oui, Pascal Obispo. Pascal Obispo. Quel théorème affirme que dans un plan, une droite parallèle à l'un des côtés d'un triangle sectionne ce dernier en un triangle semblable? Ah, ça se Quel complique. Théorème affirme que dans un plan, une droite parallèle à l'un des côtés d'un triangle sectionne ce dernier en un triangle semblable? Bonne chance. Je dirais Thalès. Là, tu dis quoi? Je vais dire la même chose. Pythagore. Mais j'hésite à Pythagore. Mais Pythagore, c'est l'angle droit, non? Moi, je dis Thalès. Alors, moi, je pense que Pythagore, c'est le carré de l'hypoténuse qui est égal à celui du carré des autres côtés de l'angle droit. Pythagore, c'est l'angle droit. C'est l'angle. C'est donc, François, tu dis quoi? Il a dit Pythagore. Il a dit Pythagore. Ouais. Et j'ai envie de manger une pita, tiens. Ouais. La Pythagore. Oh là là. Avec que des verres. Et la réponse est. Thalès. Ah, ah merde. Et malheureusement, et donc du coup, c'est la victoire de Lara ce soir. Yeah. Et de Kaufmann. Et de Kaufmann. Thalès. Ah, désolé François. Les chroniqueurs ont gagné. Comme d'habitude. Ah. Non, non, un auditeur avait gagné. Non, mais non, on peut pas se battre les nous. Si vous voulez. Y a pas des. Arrête. Vas-y, envoie les questions. Vas-y, c'est bon. Continue. Mais ça va. T'as lu les questions, toi? Non. Et François, on te fait un gros bisou et merci d'avoir participé. J'ai lu les soir. Questions pour qu'elle me Bisous, bonne soirée. Bisous, merci à toi. Quand tu veux dans l'émission, bisous. On a dit, mais arrêtez vos blagues, bande de gamins. Non, mais franchement, c'est Dany de Bruxelles qui envoie le message. Quand on est fâché, on a les sourcils froncés. Oh, bien. Alors, Kaufmann, il se croit aux frontières du réel. Oh. Kaufmann, le front populaire des gamers. Oh. Tu veux m'affronter, Kaufmann? C'est juste une blague, pas un affront. Joachim, oh, ses enfants, Kaufmann, regarde Franklin. Alors Vince, le nouveau slogan de Décathlon, c'est affront la forme. La big up à Patricio, là, il a tué avec la blague. Bon, Kaufmann, vous êtes défoncé. Hey, je suis défoncé. Ouais. Ça n'arrête pas. Hein. Ouais. Bon, allez, tout va bien se passer. Allez, on continue. On continue entre vous, là. On commence avec qui, alors, du coup? Toujours avec Lara? Ouais, ou vas-y. Alors, Lara, qui est Chris Peters? Quoi? Qui est Chris Peters? Chris Peters? Ah, Chris Peters. On fait moins la malinoise. Qui est Chris Peters? Tu voulais Kaufmann en bataille? Chris Peters. Alors, qui est Chris Peters? Aïe. Je sais pas. Enfin bon, moi je fais le malin, mais je sais qu'un truc, quoi. Ah, c'est déjà bien. Tu sais déjà qui c'est? Je sais pas qui c'est. Ok. Je sais qu'il est vice-premier ministre. Oh non, mais pas de politique. Et c'est la victoire, du coup, de Kaufmann ce soir. Merci. Bien joué. Mais il est encore ministre de quelque chose. Il est vice-premier ministre, ministre de l'emploi, ministre de l'économie et des consommateurs, chargé du commerce extérieur. Non, mais je connais pas tout ça, moi. Ouais, désolé, Lara. Ah, comme ça, on connaît ses points faits. Ouais, je suis pas politique, moi, du tout. Voilà. Bon, bah, si jamais tu vas à qui veut prendre sa place, on sait qu'il faut te balancer des questions politiques pour te clasher. Ouais. Allez, les amis, la suite, qu'est-ce qui arrive tout de suite, la France Le bon numéro pour gagner des places pour le circuit. Ah, ça va être bon, ça. Des places pour le circuit. Bah oui. Alors, non, c'est tu pas crois quoi qu'ils vont jouer à la voiture ou quoi? En fait, vous allez rentrer dans un véhicule, vous allez rouler avec le véhicule Smart Toys et vous aurez l'occasion d'avoir comme pilote un célèbre et un coureur professionnel de. J'allais dire un cycliste. Non, mais un coureur professionnel de. Ouais, si vous voulez voir la bagnole Smart Toys, eh bien, elle a la gueule, c'est celle que j'ai vue là. Ouais, c'est Libre Antenne Vince. Elle a la gueule, hein. Ah oui, elle est sympa. On dirait la voiture dans Cars. Ouais, elle est magnifique ta voiture. Hein. Bah ouais, c'est moi qui l'ai designée. Putain la vache. Je suis un vrai frondeur. Joli. Ouais, franchement, c'est une BMW, c'est ça? Ouais. Elle roule en coupe BMW d'ailleurs. D'accord. Bah allez la mater, elle est sur la page Libre Antenne Vince ou sur la page Fun Radio. Ouais. Et Smart Toy, je vous invite à Zolder d'ici quelques minutes. Hein, donc restez bien concentrés. J'ai failli toucher. Non, t'étouffe pas. N'oubliez pas, j'ai une petite bronchite là ce soir. C'est une bronchite. Au calme. On fait avec. Hein. Allez, voici Boss versus Linka et Mondelogy. Ça vient de Belgique, les amis, et ça s'appelle Body Trembles. On arrive tout de suite sur Fun. Le single est disponible sur la compile DJ Party Fun. Ah oui, ok. Et avec plaisir qu'on vous accueille ce soir dans la antenne. Oui. J'espère que vous allez bien. On a quoi à suivre dans l'émission, hein, François? La friendzone. On a également des auditeurs qui veulent te parler, le relou style et le mot de la fin. Eh ben, très bien, ça va arriver ce soir et je dois vous parler. Ah, parce que Lara, aujourd'hui, c'est une pipelette de ouf. Hein. Bah, comme tous les jeudis hein. D'ailleurs. Hein, ouais. Comme tous les jours. Comme tous les jeudis. Je voudrais faire un gros big up à tous les gens qui sont en examen. Ah, en blocus. On pense à eux là. C'est bien, il pleut et tout, c'est plus facile. C'est plus facile, mais il y a la grève et c'est plus évident du tout quand tu allais passer ton examen du coup. Aïe. Ouais, mais on s'en fout. On leur souhaite un franc succès. Oh là là, ouais. Oh là, là, là, là, là. J'avais envie de me poser une petite question. Envie de poser une question à David. Oui, merci Lara. Est-ce que Smart Toys c'est une franchise? Oh purée. Oh, je m'y attendais pas. Oui, c'est une franchise. Franchise. Tiens, il y a quelqu'un qui me demande, Vince, ce soir, t'as pas le jeu de la friendzone? Et on va jouer à Battlefront aussi, oui. Ah, Battlefront. Oh. D'ailleurs, pour l'instant, sa série préférée, c'est Homefront. Je ne connais pas, mais c'est drôle. Alors, avec une voiture, comme ça, vous allez à front. Salut, oui, équipe de fun. Vous pouvez passer une petite dédicace à Nico, Dylan et Magali, s'il vous plaît. Yuri de Hat, un message bien passé. À front la caisse. Vin, c'était quoi ce son? C'était Boss avec Linka et Mondelogy. Si jamais vous arrêtez un titre, pas de problème, vous allez sur funradio.be. Et là-bas, vous pouvez retrouver ça, d'ailleurs. Et très bientôt, on a une application qui va arriver. Mais ah bon? C'est pas vrai. Non. Il était en 2016. Hein, Mais une appli qui va arriver. Ouais, et c'est Kaufman qui est derrière, s'il vous plaît. Ah, c'est pas vrai. Ah, ouais, il y aura de front desk. Application. Ah, ça va être du lourd. Hein. On pouvait le dire quand même, Kaufman. Non, mais bon. Ah merde, je pouvais pas le dire. Ah non. Pourquoi? Pas grave, personne nous écoute. Soit, passons. Ok. Ah, je peux plus relever le sujet, quoi. Bon, tout va bien. Pouvez-vous appeler Dominique, s'il vous plaît, avec Patrick? On verra. La vérité. On verra, ça dépend de l'humeur de Patrick Habitbol. Il n'y a pas de problème. Bon, en attendant, les amis, Le bon numéro. Le jeu du bon numéro. Mais avant le jeu du bon numéro. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous parler d'une série japonaise. Ah, bah oui, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, j'ai trouvé ça sur Netflix. Et franchement, je connaissais pas. En fait, j'avais vite fait vu des livres comme ça, mais j'étais pas. Enfin, j'avais vu le manga. Mais j'avais pas. Je m'étais pas intéressé plus que ça. Je crois que c'est un des mangas les plus what the fuck que j'ai pu voir de toute ma vie. Ah bon? Pourquoi? Ça s'appelle Assassination Classroom. Est-ce que tu connais par hasard Kaufman? Non. Ça me dit rien du tout. Alors la version originale, je sais pas comment ça se dit, hein, Assassination. Est-ce que c'est en rapport avec Battle Royale? Non. Ça se dit Ansatsu Kiyoshitsu. Ansatsu Kiyoshitsu. Voilà. Attention à ce qu'il y a en dessous parce que quelqu'un t'a C'est une dessus. Histoire. Alors franchement, quand on te vend le pitch de l'histoire, c'est bizarre. C'est pourquoi? Très bizarre. Vas-y, vends-le. Eh ben, ah, c'est trop bizarre. C'est l'histoire d'une lune. C'est l'histoire d'un monstre, je vais être très honnête. C'est l'histoire d'un monstre qui donne cours à des étudiants dans une classe. Ah. Un monstre avec plein de tentacules qui est tout moche et qui a une grosse boule en tête de sourire jaune. Oh, ça me rappelle mon prof de 3ème. Voilà. Qui donne justement cours au 3E, qui est la classe la plus pourrie. Et en gros, il donne cours à cette classe, mais le principe, c'est que les étudiants doivent le tuer. Ils doivent tuer ce monstre qui leur donne cours et qui leur parle dans un français en sous-titré, enfin c'est comme vous voulez, bref. En japonais, il donne cours comme un véritable prof, cours de maths, etc. Il est content de faire ça, mais le gouvernement a demandé que les jeunes de cette classe le tuent parce que le monstre a détruit la lune à 70%. Mais lui ne le sait pas. Et si lui le sait, et en fait ils doivent le tuer avant le mois de mars, parce que s'il le tue pas avant le mois de mars, il fait péter la Terre. Mais c'est génial. C'est... J'adore le regard de Coralie, genre what the fuck. C'est, cool. Je te promets, un truc le plus what the fuck que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et donc du coup, le gouvernement a fait parce que lui, il voulait donner cours avant de péter la Terre. Et donc du coup, le gouvernement a fait un deal avec le monstre en disant, ok, t'as le droit de donner cours, mais nous, on a le droit de tout tenter pour tuer. Mais il est super rapide, il va à une vitesse de Mach 20, il va super vite, il est trop efficace, il a des yeux derrière la tête. Bref, le mec, il est trop rapide, le monstre, en tant que tel. Mais il donne cours, et il donne cours à des étudiants qui doivent le tuer. C'est génial. Voilà. Et donc c'est plein de stratagèmes pour le tuer et tout. Exactement. Et c'est what the fuck. En gros. C'est n'importe quoi. À un moment donné, je vais être très honnête avec vous, dans l'épisode 4, il y a une fausse prof qui se pointe pour tenter de le piéger, hein, pour tenter de piéger le monstre. Je vous spoil pas tout, hein, mais c'est tellement what the fuck qu'à un moment donné, eh ben, le piège échoue. Et lui, pour se venger, il la viole. Oh. Non. Mais attends, c'est quoi le délire? Mais on le comprend pas, il est sous-entendu. Il est quelle heure là? Non, je précise, c'est sous-entendu. C'est-à-dire que la meuf, elle sort en disant, oh mon dieu, c'est la première fois qu'on me fait un massage aussi fort, aussi génial, etc. C'est du what the fuck total. Mais tu comprends avec le délire japonais. Mais il l'a pas violé, ils ont fait l'amour. Tu comprends qu'avec le délire, si tu veux, il a fait l'amour. Bah attends, si elle ressort, je pense que madame n'était pas tellement pour, hein, je pense, hein, quand tu regardes bien le manga, je pense qu'elle n'était pas tellement pour, même si elle a apprécié. Mais c'est l'humour, c'est le délire japonais. Les japonais vont très très trop loin parfois. Mm-hmm. Et j'avoue que là, je savais pas comment me sortir. C'est what the fuck. Ah oui, voilà. Ah ouais. Donc tu nous conseilles. Et ben, c'est tellement what the fuck parce que c'est du n'importe quoi. Alors c'est de l'humour, c'est de l'action et de la comédie, hein. C'est pas un truc noir, sombre et tout ça. C'est passé à 1h de grand matin au Japon. Est-ce que c'est interdit au moins de quelque chose? Non, même pas. C'est ça le pire, c'est que c'est même pas le cas. C'est tout public. Mais c'est sur Netflix. C'est sur Netflix, effectivement. Il y a combien de saisons? Là, je crois que je sais pas s'il y a deux. Je crois qu'il y a deux saisons pour l'instant. En tout cas, je suis à l'épisode 5 de la saison 1 mais c'est du what the fuck, c'est du gros what the fuck. Franchement, je sais pas si vous connaissez, mais allez mater. On nous dit c'est pas un monstre, mais un poulpe géant. Ouais, mais il appelle le monstre quoi. C'est une sorte de poulpe géant. D'accord. On nous dit le prof qui se déplace à Mach 20. Moi, j'adore Isma qui a envoyé le message. Ah, c'est vrai, c'est bon. Mais c'est du n'importe quoi. Il vole et tout. Et à un moment donné, il a envie d'aller mater un match de baseball à New York. Il va le mater le match de baseball à New York pour en fait enseigner ça à des jeunes parce qu'il donne cours. Il veut vraiment donner cours. C'est-à-dire que le mec, il est concentré, le monstre, le poulpe géant, est concentré pour donner cours à ces jeunes, alors qu'il dit, ouais, mais oubliez pas, au mois de mars, je vais péter la Terre. Ouais. C'est du n'importe quoi. Moi, ce que j'aime bien dans les trucs que Vince propose, c'est que toujours il en parle comme ça, et puis t'arrives pas, tu comprends un petit peu la phase, mais t'arrives pas vraiment à voir. Et puis à un moment donné, par hasard, tu tombes dessus, tu fais, oh, mais c'est ça, le truc. Franchement, c'est du what the fuck. Je sais pas si vous connaissez, mais dites-le nous là au 3044. Vince, il paraît que t'as une franchite. Ouais. Bon rétablissement, merci. Une saison en français, la saison 2 est en cours au Japon, on nous dit PDBX. Assassination Classroom, c'est la base. Il y a deux saisons, Kevin qui a envoyé le message. Ben voilà, il y en a plein qui connaissent déjà. Moi, franchement, c'est mon coup de cœur. Allez mater ça si vous avez l'occasion. En attendant, c'est parti, les amis. Vous allez maintenant avoir l'occasion, grâce à Smart Toys, d'aller du côté du circuit Zolder et piloter une BMW en mode Smart Toys. Ouais. Il y a du Smart Toys dans tous les sens. et faire du karting. Et on vous invite à déjeuner sur le circuit. Donc vous mangez, on vient. Vous allez faire un tour de circuit. C'est ouais. ça. Et plusieurs tours de circuit, plusieurs. Un seul. Ah, un seul, ok, d'accord. Mais rapide. Hein. Ouais, ouais. Moi, je l'ai fait la dernière fois, c'est rapide. Ouais. Ah non, mais moi, je veux faire ça. Hein. Moi, je l'ai noté dans mon planning. Combien de kilomètres heure 200, 220. Oh, je veux faire ça. Ah, ça va. Ouais, tu lui, bah, sur le ring, il va à 200 aussi. Donc, ah non, non, non, non, le ring de Bruxelles, c'est impossible. 50 à l'heure maximum, hein, je te rappelle ces embouteillages. C'est clair. Alors, attention. Elle est à gagner. C'est à gagner. Cette journée de rêve sur le circuit de Zolder qui va se passer le jeudi 23 juin. C'est bien pour fêter la fin des examens. Deux places. Deux places à gagner. En plus, et donc, vous allez manger toute la journée. Ouais. Il y a le tour du circuit de Zolder en mode dynamique et tout. Ah, c'est près de Eusden, Eusden-Zolder. Ouais. Et en même temps, vous avez du karting à faire. Il va falloir trouver le bon numéro. Ok. Entre combien et combien? Aujourd'hui, je vais être gentil. Entre 1 et 1000. Oh oui, très gentil. Ouais, c'est parce qu'il a pas un bon bic, hein, moi je te le dis. J'ai un gros marqueur. Ah d'accord. Il prend beaucoup de place. Parce que les femmes disent que tu as un gros marqueur. Oh là là. Merci, c'est gentil, Kaufman. Un gros marqueur de pierre. Et vous proposez ça par SMS au 3044. C'est ça. J'espère que vous êtes prêts, les amis. Moi, je suis prêt. Kaufman, t'es prêt? Moi, je t'emmerde. Il offre des cadeaux et puis il emmerde tout le monde. Et on y va, c'est parti. Okay. Proposé, allez-y au 3044. Alors, quelqu'un qui est très malin qui m'envoie carrément 563,569. C'est bien, il commence avec les virgules. C'est très malin. Malin. Mais c'est moins. Ah, c'est moins. C'est déjà pas mal filtré. Hein. 690, c'est moins que 690. 15, c'est plus. Ok. 584, c'est moins. Ouais. Entre allez. 15 et 584. Ouais. Proposé au 3044. Entre 15 et 563. 16, c'est plus. 17, c'est plus. 18, donc c'est plus. 555, c'est moins. 222. D'abord, on propose le 123, le 147, c'est plus. Le 222, c'est plus. Ah. Je fais ça dans l'ordre, hein. J'essaie de le faire dans l'ordre. C'est très bien. 125, c'est plus. 111, c'est plus. Alors attention, 555, j'ai dit que c'était moins. Donc on cherche 269, c'est plus. Ok. 270. 300, c'est plus que 300. Ah. On cherche entre 300 et combien j'avais dit? 555. 555. Ouais. C'est ça. Alors attention, me dit le 385. Oui. C'est moins. Ouh. 85 possibilités. Ou peut-être plus, on ne sait pas. Ah. Alors 412, c'est moins. Surprise. 444, c'est moins. 415, pardon. Wow. 415, c'est moins. 369, c'est moins. Oui. Alors quelqu'un me propose 367, c'est moins. 333, c'est plus. Ouh. 333, c'est plus. C'est plus. Donc c'est entre 333 et 364. Et 344, j'ai envie de dire. Et 30... Ouh. Oui. Ouh, il reste plus que 11 chiffres. Hein. 11. 344. Ah. Attention, 347, c'est moins. Ok. Entre 345, c'est moins. 363, c'est moins. Ça chauffe. Bah oui. C'est bon, non. 339, c'est moins. Ok. Oh hey, c'est entre 333 et 339. On va le tomber. 338, c'est moins. Oh, bah 342, c'est moins. Ouais, c'est d'office moins. 335, c'est moins. Ouh là là là là. Ah, parce que reste deux chiffres, mais il reste 1000 décimales. Là. Ou 322, c'est plus. 325, c'est plus. 338, c'est plus. 334. Eh, t'as dit plus que 338, non? Non, non, pardon. 300, c'est moi qui ai mal lu. 338, c'est moins, pardon, excusez-moi. Voilà. 334, eh ben c'est moins. C'est moins. C'est moins. C'est entre 333 et 334. Ouh. Donc il y a une décimale, il y a des virgules. Il y a des virgules. Il y a une virgule, pardon. Ah, il y a toujours une virgule. Combien de chiffres derrière? Ça, c'est la question. C'est... Mais peut-être que je ne me suis pas cassé la tête. Hein. Ah bon? Eh, hey, 333,127, c'est plus. 333,5, c'est plus. Ok. Ah, c'est plus. Ouais. 333,9, c'est moins. 333,69, c'est plus. Oh. 333,876, c'est plus. Ok. Oh là là là là, c'est entre 8 et 9 derrière. Hein. 333,7, c'est plus. 333,81, c'est plus. Ouais. 339, non, t'as pas compris, non. 333,990, donc 90. Ouais. C'est plus. Oh. 333,666, c'est plus. 333,912, c'est plus. Ah, ok. C'est vendu. 333,85, c'est plus. 333,867, c'est plus. Ah, qui dit mieux? Allez. 333,94, c'est un tout petit peu plus. Et on arrive tout de suite sur Fun Radio. On arrive. J'écoute Vince de 20h à 23h car ça met de bonne humeur. Vous êtes combien, fils de pute?

every fading sunset, we see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. So we'll feel forever, you and me together. Make it rain forever and be real together. Sur Fun Radio. Et bienvenue les amis, on est enfin en direct sur Fun Radio, ça y est, il y a Kaufman qui est là, ça va Kaufman? Oui, bien. On a Lara aussi. Ouais, je suis là. Le Franzosi. Oui. Coralie au standard. Oui. Et moi avec mes poumons qui... Ah ça va mal, oh ça va mal. Oh c'est difficile hein. C'est tout, c'est comme ça. Ah oh, non c'est horrible, bah. Comme les vieux. Et exceptionnellement on se met en mode... On oublie l'école et le boulot. Et on parle jeux vidéo. C'est le Fun Game sur Fun Radio. Oh, c'est très exceptionnel, hein. Oui, bien sûr. Quoi de prévu pour le Fun Game de dimanche? On va parler du nouveau One Piece Burning Blood. On parlera aussi de l'extension de The Witcher qui est sortie. Oui. Pardon. Oui. Blood and Wine, à force de le voir tousser, je commence à tousser aussi. Oui, attends, c'est vrai parce que je joue à The Witcher. Je suis étonné moi. D'ailleurs que tu ne m'aies pas téléphoné. Mais parce que je suis encore dans Fallout 4, mais je veux bien retourner sur The Witcher que je n'ai pas désinstallé parce que j'attendais ce tatat. On en parlera dimanche. Ouh, sinon je prends, sinon je paye. Ouais, il me téléphone, il me fait. Sinon je paye. Ouais, vas-y, dis qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, j'ai mon code PayPal, mais si t'as un code. Mon code PayPal fonctionnait pas. Et puis je lui dis, j'en ai pas pour l'instant. Et puis entre le moment où on s'est parlé, il l'avait déjà acheté. Ouais, et après, Mario, de toute façon, j'en ai pas eu. Ouais, c'est vrai. Okay, ça va. Donc voilà, j'avais acheté un add-on. Et il paraît qu'il est bien là. Enfin, ouais. On en parlera dimanche. Ouais, exactement. Voilà, pas de problème. On va rien griller du tout. Hein. On a fait le petit concours là, ouais. Du bon numéro. Oui. Et d'ailleurs, nous avons François, encore un François, qui est avec nous ce soir. Salut François. Salut Vin, ça va? Mais ça va et toi, quoi de neuf? Bah écoute, super, j'ai le front qui perle un peu, mais. T'inquiète que je serai de t'accueillir, toi. Je vais noter François, 30 ans, t'habites où? À Jean-Blou. Bah voilà, t'es noté, t'es fiché. Crois-moi qu'on va faire la course et que tu vas aller dans le ravin. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Alors, mon ami François, si t'es avec nous à l'antenne, c'est parce que je pense que t'as trouvé le bon numéro en premier. C'est quoi la réponse? C'était 333,95, je pense. J'en ai mis plein, mais je pense que c'est celui-là. Oh là là là. Aïe, aïe, aïe. Bonne réponse! Oui! Yes! Excellent! Là je sais qu'aujourd'hui Kaufman il est pas à 100%. Ouais. C'est d'habitude il fait Seigneur. Ah oui. Oh Seigneur. Regarde, il est fatigué. Il arrive plus. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe là? J'étais en train de penser à François. Ouais, c'est ça. Il est en train de penser à ce qu'il va lui faire. Exactement. Et ben François, réserve déjà. Bon, ouais. C'est pas la fin des examens pour toi, mais en tout cas réserve ton 23 juin. Ça 23 va juin, c'est la fin. 23 juin, j'aurai 31 ans, c'est le 20 juin, moi, Annie. Oh, en plus, parfait. T'inquiète, je vais fêter ton anniversaire. Moi aussi, t'inquiète. Je vais t'allumer les bougies. Ça va être l'air dangereux, ça. Bon, moi, je t'ai soufflé, t'inquiète. Oh non, non, non, non, non. Décidément, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a un petit affrontement entre les deux, là. Ouais. Allez, on te fait un gros bisou, François, je te passe Coralie, hein, ça va? Ok, super. Et à bientôt, ciao, ciao. Bisous. Ciao. Porte-toi bien. Ouais, bye bye. Et on a Emma qui est avec nous ce soir. Salut, Emma. Bonjour. Bonsoir Emma, bonjour. Tu vas bien? Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va ma chérie, tu vas bien? Oui, très bien. Ah cool, bonne chose à savoir. Emma, tu as 18 ans et tu viens de Hatte. Ah non, t'as pas 18 ans, t'as quel âge? 16. Ah t'as 16 ans, oh, t'es toute jeune, toute mimi, c'est mignon ça. Bon, t'as bien pas de soucis Emma, t'inquiète, hein, ouais, tu vas avoir 16 ans. Hein. Alors Emma, si t'es avec nous à l'antenne, c'est parce que tu veux téléphoner à un de tes proches. À qui tu veux qu'on téléphone là? À ma meilleure amie qui est aussi ma voisine. Ah oui. D'accord, alors attention, c'est la friend zone. Oh. Oui. Donc, si je comprends bien, t'as des sentiments pour ta meilleure amie. Mmh. Et ça va comment tu sens la chose? Bah ça sent un peu la moule. Non, je voulais savoir quand. Putain, y a pas besoin d'être sérieux deux secondes. Je voudrais savoir, est-ce que. La question. Est-ce que t'as l'impression que c'est réciproque ou pas forcément? Bah, il y a peut-être moyen, mais bon, on est que potes, donc je sais pas si elle va vraiment rentrer dans le jeu. Alors, le truc, c'est que nous, de notre côté, ce qu'on va faire, c'est que on lui dit, tu vois, si jamais ça tourne mal et qu'elle le prend très mal, nous on dit, c'était une blague, c'est fin de radio, tu vois. Ça va? On peut faire. Mm-hmm. Ça va, ma chérie? T'es sûre, t'es prête? Elle est stressée. Oui, sûr. Ok. Un peu stressé. Ça va bien se passer, ouais, t'inquiète pas. Elle va certainement pas le prendre mal. Mais non. On fait ça juste après le son de souffle avec Mia Mans sur fond de radio. La libre antenne, on est en direct, vos messages au 3044. Et on nous dit, Vince, j'espère que la BMW a des airbags frontaux. Ça n'arrête pas. Hein. Vince, je suis dégoûté, j'avais trouvé le reste. Restez comme vous êtes, big up. Eh, à bientôt. Merci à toi en tout cas. On arrive. Ces gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie. J'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes. Tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie. J'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds. J'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquis. Tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise. Tous ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis. Tu me fuis. C'est la vie. J'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie. Tu as le plus beau des chats. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. De 20h à 23h, Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas? Allez, c'est parti, voici la Friendzone sur Fun. Ils sont enfermés et subissent une pression psychologique chaque jour. Ils sont considérés comme meilleurs amis. Vont-ils pouvoir s'échapper de la Friendzone sur Fun Radio? Et c'est ce qu'on va découvrir à partir de maintenant avec Emma que nous avons dans le standard. Elle a 16 ans, elle vient de Hatte. Elle va téléphoner à sa voisine. Son amie, voisine, meilleure amie, la totale, et ouais. Emma a des sentiments pour elle. Mmh. Emma, tu m'entends? Oui. Ça va, tu te sens bien là pour le faire? T'es prête? Elle est malade. Très bien. Ok. Faut du courage, hein. Faut du courage. Bon, je te rappelle, nous on peut te sauver, hein. Si jamais ça part en sucette, cacahuète, on dit que c'était une blague, quoi, ça va? Ça ne partira pas en sucette. Ça va. Allez, c'est parti, on appelle. T'as rien dit, moi? Elle s'appelle Mathilde. On y va. On coupe de micro. Oh, bah ça va, alors viens. Principe de la friendzone, c'est bien sûr de s'échapper de la friendzone. On va faire un tour. Il coupe nos micros. Allô? Allô Mathilde ? Oui ? Ça va ? Bah bien toi. Ouais, ben je t'appelais pour savoir comment on s'arrange demain matin pour les voitures. Ah ben mon papa fait l'aller et le retour. Ah, ça va, vers 7h30. Ok. Et ben sinon, ça, je sais pas, t'as fait une bonne journée. Quoi ? T'as passé une bonne journée sinon ? Ouais, super, et toi ? Un peu fatigant, mais ça va. Ça patauge. Et avec Clément, ça avance ? Moi, ouais, bof, enfin, pas trop. Et ben, voici c'est pas trop, j'hésite. Enfin. Ouais. Et toi, avec Maxime, ça va ? T'en as un copain ? Bah, pas trop non plus, bah, ça mènera à rien, je crois. Ah ouais ? Enfin, bah, justement, bah, je t'appelais, enfin, ça fait longtemps que je vais te le dire. Enfin, c'est assez gênant, enfin, c'est compliqué. Enfin, ça fait un mois que j'ai l'impression que je ressens le sentiment pour toi à chaque fois qu'on se voit. Oula. Je sais pas si je me sens bizarre. J'ai l'impression que je commence vraiment à t'aimer. Tu rigoles. Bah non, enfin. Franchement, au début, j'y croyais pas non plus parce que je suis pas lesbienne de base, mais enfin. Là, je sais pas, je. Quand je suis avec toi, je suis tellement bien. Je sais pas, je crois que je suis amoureuse de toi. Vraiment. Elle l'a dit, quoi. Non. Non. Arrête, hein. C'est pas possible, gros. T'es avec Maxime il y a 2 semaines à peine. Bah justement, si ça a un peu cassé avec lui, c'est parce que. Enfin, parce que t'es là et que je pense tout le temps à toi, alors que je repense à lui. Enfin, c'est vrai que ça a cassé. Non, mais arrête, tu me fais peur. Tu me fais flipper. Mais je sais pas si c'est réciproque maintenant, mais. Bah j'ai l'impression que des fois aussi t'es un. Je sais pas si t'es amoureuse de moi aussi, j'irai pas jusque là, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a un truc entre nous quoi. Ah oh non, mais non, moi je ressens rien pour toi, mais enfin on est juste pote, t'es ma meilleure amie et c'est tout. Bah enfin, oui, mais enfin, je veux dire, tu pourrais quand même essayer, je sais pas, ça tombe, tu l'as aussi, mais t'en sais rien. Non, c'est pas possible, moi. Quand je suis pas attirée par toi, j'ai pas de sentiment pour toi, enfin, en tant qu'ami, oui, mais. Mais c'est tout. Mais je sais pas, enfin, tu veux vraiment y réfléchir un peu plus. Enfin, parce que moi je t'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment du mal à te le dire. Là je vais en prendre, je viens seulement de prendre le courage de te le dire et tu me remballes comme de la merde, ça me fait un peu mal quand même. Enfin, je sais pas, bon, un peu pas, réfléchir. C'est ma meilleure amie, c'est ce que j'ai pensé quand tu dors avec moi dans le même lit. Enfin, je sais pas, on est tout le temps ensemble, c'est bizarre, mais qu'est-ce que je vais penser moi? Bah, je sais pas, enfin, j'espère que je peux encore revenir chez toi, même si j'ai tout mon sentiment pour toi, enfin. Enfin, je sais pas pourquoi je pourrais plus venir chez toi. Bah, je sais pas, t'as du sentiment pour moi, si tu tentes des approches ou quoi, qu'est-ce que je vais faire, moi? Quoi? Si tu tentes des approches ou quoi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, enfin, je vais être comme d'habitude, quoi, enfin, tu vas pas me rester un mec de moi tout le temps. Et puis, enfin, je sais pas, tu pourrais te laisser tenter. Enfin, je suis dingue, moi non plus, à la base, je suis pas lesbienne, mais pour te laisser tenter. Mais moi non plus, moi, je ne suis pas du tout, même à la base, moi je suis hétéro, c'est tout. Oui, mais moi aussi à la base je suis hétéro, mais là, je sais pas, je ressens quelque chose pour toi, tu pourrais, enfin, c'est pas pour toi aussi que parce que tu veux faire quelque chose pour moi, je crois que c'est peut-être ça. Non, je veux pas, non, non, c'est pas possible, c'est non. Non, je veux pas. Mais je sais pas si on est meilleurs amis, enfin, si on passe autant de temps ensemble, qu'on est aussi proches, c'est peut-être pas pour rien. Mais c'est peut-être qu'il se passe quelque chose pour nous. T'es ma pote, on est trop amis. Je ne sais pas, non. Quoi? On est trop amis, tu peux pas, enfin non. Mais justement, qu'on est dans des proches, je crois que c'est peut-être bien quelque chose. J'ai jamais été aussi proche d'une fille que toi. C'est peut-être, enfin voilà, ça peut être bien des choses. Non, moi j'aime trop les garçons pour être lesbienne, c'est pas possible. Ah, c'est mort. Là, c'est die. Ouais. Bah, tu pourras changer, tu pourras au moins y réfléchir, au diable, t'as mon nom comme ça. Non. Elle s'en fout. Non, gros, reste, je veux vraiment péter un plomb, là. Les autres changent. Bah, pourquoi? Parce que je dis que je t'aime. C'est pas ma faute, je n'ai pas de plomb. Je sais pas que tu avais été un gars il y a 2 semaines, et maintenant tu m'avoues que tu m'aimes bien. Bah oui. Parce que, enfin, je le sens pas très bien. Enfin, je sais pas, je me sentais plus bien avec lui à cause de nous deux, quoi. Je sais pas. tu pourrais comprendre un petit mais peu. Mais ça va nous arranger à quoi? Imagine, ça marche pas entre nous, quoi que ce soit. Non, c'est pas possible. On a pote pour ça. Tu vois, ça ne marchera pas. On est pas depuis 4 ans. Donc, on coupe, ça changerait quoi? Pas grand chose. Justement, on est trop potes pour qu'on soit lesbiennes, Emma. On est trop potes. Non. Bah, donc, ça passe vite, tu peux pas critiquer. Enfin, je veux dire, essaye une semaine et si ça te plaît pas, voilà, c'est tout. Non, je peux pas. Non. Non, franchement. Bah, non. Ils l'entendent, ça? Ouais, ils l'ont entendu. Allô? Ouais. Elle comprend plus. Non, c'est rien. Oui. Elles ont perdu. Non, ça va pas, là, non. Bah, je t'ai dit mon point de vue. Enfin, j'espère que ça va arranger notre amitié, parce que j'y tiens quand même beaucoup. Et j'espère qu'un jour, t'auras des sentiments pour moi. On qu'on pourrait être ensemble. All I do is win. Non, moi je veux pas, je te l'ai dit, je suis derrière et c'est pas de quoi que ce soit, c'est pas de m'embrasser ou quoi. C'est quoi ça? C'est rien, c'est la vie qui va. Je la coupe, attends. C'est bon, c'est coupé. Ok. Je comprends même pas pourquoi tu réagis comme ça en fait, parce que. Je vois pas pourquoi on serait pas bien ensemble. Elle a dit non, Emma, il ne faut pas insister. Bonsoir Mathilde. Allô Mathilde, bonsoir, ça va? Oui. La chatte. Elle ne veut pas la toucher. Hein. Alors attention, on va préparer clin d'œil. Hein. Vous avez préparé clin d'œil? On a préparé clin d'œil. Tout le monde a préparé son clin d'œil. Mathilde? Oui. Oui. Eh ben en fait C'était une blague, c'est sur Fun Radio. C'était une blague. C'était une blague, t'étais pas sérieuse. Non, t'inquiète. Ah voilà. Je suis la chatte à la voisine. C'était pour te taquiner, Mathilde. Elle n'est pas amoureuse de toi pour de vrai. Non, pour te taquiner. Voilà, pour taquiner, c'est exactement. Ah là là, donc c'était pas vrai tout ça. Clin d'œil énorme. Tout ça c'était foufoune. N'importe quoi. Voilà, donc Mathilde, on te fait un énorme bisou. Un gros bisou. Au revoir Mathilde. Bisous. Bisous sur la joue. Au revoir, bisous, bon bail. Un bisou. Bon, depuis qu'elle a balancé foufou, moi je suis perdu. Ouais. Moi, c'était foufou, j'arrive plus là. Ah, je suis prostré pour cerner, je sais même plus comment on dit. Voilà, référence d'Iconnect. Bon, Emma, écoute, malheureusement, c'est dead. Et j'espère juste qu'elle aura pas l'occasion d'écouter l'émission dimanche. Ah oui, non. Parce qu'on va le rediffuser. On va te passer Coralie, tu vas te rattraper. Bah oui. Ah bien que. Ah oui, c'est vrai. Je te fais un gros bisou, Emma. Coralie, elle reprend tous les rôles. Bonne soirée et bisous, Emma. Ça va, ma chérie? Bah très bien. Ça va, t'es. Bah tu t'y attendais. Je suis contente qu'elle ait pas sentiment pour moi. t'as dit quoi? T'es contente que? Qu'elle ait pas sentiment pour moi, sinon j'aurais mal pris moi. Quoi? Ah en fait, ok, t'as voulu tester pour voir s'il avait des sentiments pour toi. Entre autres, ouais. Mais non, c'est okay, pas vrai. Ok, mais toi, t'en avais pas, en fait. Elle fait, Elle fait des clins d'œil. Elle nous rebalance le retour. Attends, de clin d'œil. Ouais, parce que ça, c'est retour vers le futur, on y retourne. Non, parce que le premier clin d'œil, en fait, c'était la vérité. Mais de là, elle a rajouté un clin d'œil, ce qui fait double clin d'œil. Bon, les amis, voici Erais Trefi qui arrive sur Fun Radio avec Bonbon. J'adore, c'est ma compatriote. Compatriote, t'es kosovar, toi. Albanaise. Elle est kosovare, oui, c'est vrai. Oui. Des Albanais, hein. Oui, c'est vrai, j'avoue. Ouais, bon, excusez-nous. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Bon, je sais pas. Ah, tu dis, c'est pas pareil. Ça dépend. Attends, je vais appeler mes amis kosovars. C'est pas du bonbon. Je peux pas rigoler si sinon je commence à tousser. Bisous, Emma, bisous. Allez, c'est parti. Vince, c'est chaud quand même d'être hétéro et puis sortir avec une fille, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Ma fille de 22 mois s'est fait opérer d'urgence cette nuit. Je vous écoute, ça détend. Merci à vous. Bon courage. Ouais, j'espère qu'elle va bien. Courage. Les amis, on est en direct sur Fun Radio. Voici Erais Trefi. L'albanaise, visiblement. Ouais. Elle est kosovare. Pourquoi elle proclame kosovare, hein? Oui, mais c'est des albanais. Bah, elle parle albanais. Il y a des kosovars qui se proclament pas albanais. Oui, mais elle parle albanais. Je sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Et bah alors tu te tais. Ça va, je me tais. Bonbon. Allez, bonbon. Let's go! Don't done. Evanescence burns one. Done, done. Bet you wanna taste it. Bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty done, done, done. Bun, bun. J'écoute Vince de 20h à 23h car ça met de bonne humeur. Et tout de suite sur Fun Radio, ça va être Wouh, It's just me, myself and I. Jay-Z avec Me, myself and I. Hey, c'est une autre albanaise. Non, si, bébé Regia, c'est une albanaise. Oh là là, les racistes diront qu'on est envahi ici. Pour l'instant, il y a Era Estrefi, Bébé Regia et Dua Lipa. Dua Lipa, c'est aussi une albanaise. D'accord, Bébé Regia qui est dans, avec Jay-Z là. Oui. Ah, je découvre quelque chose là. En plus, elle ressemble vraiment. Chez nous quoi. Ah bon. Et nous, on a Lara. Voilà. Je sais pas ce qu'elle a ce soir, Lara, elle a la rage, on dirait. C'est ça, oui. Bah, je suis à la libre antenne, je suis contente. T'es déchaînée ce soir d'une force. Mais hein, tous les jeudis, vous me dites ça, oui, je suis oh. Non, mais c'est, ça c'est bien, moi. Je... Elle est déchaînée. On n'a pas l'habitude, nous, attends. Vince, que vous allez appeler Dominique ce soir, si oui, à quelle heure? Des mots de tournée, on ne sait pas encore. Ça dépend de, du fait qu'il appelle ou enfin qu'il décroche. Il surtout, décroche ou pas. Ouais. Ou pas. Donc, ça, malheureusement, c'est le hasard des choses. On a Axel qui est là. Salut, Axel. Ah, c'est un Albanais aussi. Non, je rigole. Axel, il a 19 ans, il vient de Marcinelle. Ça va, Axel? Ça va, ça va, et vous? Ça va, Charleroi représente, là, 103.5. Alors, Axel, dis-moi, toi, tu passes à l'antenne, là, parce que tu vis une situation un petit peu chelou, là, explique un peu. Ouais, c'est un peu chelou, c'est pas vraiment chelou, c'est tout simplement des gens complètement fous dans leur tête et qui ne comprennent rien à la vie. C'est... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est ce que j'ai vécu là tout à l'heure en expliquant Retour vers le futur. Hein, voilà. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe, Alex? Axel, pardon. Bah, en fait, je suis en couple avec une fille et ses parents, sa soeur et son frère, bah, on va dire qu'ils ne m'aiment pas trop, pour quelles raisons, franchement, je n'en sais absolument rien et ils ne se sont jamais justifiés à ce niveau-là. Et du coup, ils essayent de bourrer le crâne de ma copine par tous les moyens possibles en inventant que je suis un infirmier et tout des trucs ainsi. Mais t'es quoi? Quoi? En inventant que je suis un infirmier. Un infirmier, alors? Et alors? Ben, je ne le suis pas, donc voilà, ils vont... Mais attends, c'est quoi le problème d'être infirmier? Ce gars est un infirmier. Mais non, je te dis, c'est pas un infirmier. Oui. Ils vont dire que j'ai été dire à d'autres personnes que j'étais infirmier. Ah, ok, et donc ils disent que t'es un mytho. Voilà, c'est ça, ils disent que t'es un menteur, quoi. Voilà, il y a ça, ils disent aussi que bon, ça c'est la phrase de type qui dit tout le temps, je suis un raté de la vie d'hier. Un raté de la vie, d'hier. Un raté de la vie de misère. De misère. C'est la précision. Mais si t'as raté de la vie de misère, c'est-à-dire que t'es riche. Ah, attention, parce que là... Non, c'est... ici en fait j'ai eu du mal à trouver du boulot, ici j'en ai trouvé. Ah oui. Et du fait que j'avais du mal à... Ça veut dire, que la, ça veut dire qu'un quart de la population des moins de 25 ans en Belgique sont des ratés, alors, si je comprends bien ce raisonnement. Il a quel âge, ce jeune homme? Il a 19 ans. Oh, bah, il est tout jeune. Non, oui. Bah, apparemment, oui. Apparemment, oui. Donc, les gens qui sortent de l'école, qui ne trouvent pas d'emploi pendant un an, c'est les ratés de la vie. Ouais, mais il raconte des guerres. Bah, c'est des gens négatifs, c'est tout. Mais c'est bizarre quand même. Ouais, mais bon, ici ma copine, elle arrive en réto, elle est en examen la semaine prochaine, elle en a marre. Bien sûr. Moi, en gros, il est tombé sur des parents qui veulent tout simplement pas qu'il soit dans. Des beaux parents. Est-ce qu'il n'y a pas un clash de. Sociale ou quoi? Par exemple, ta copine, elle vit dans quel milieu? Normal, je veux dire, dans une maison normale, à Genève, quoi. Attends, parce que maison normale, ça des. C'est quoi? Non, mais ses parents, ils font quoi, par exemple? Ils ont combien de voitures, les parents, des trucs dans le genre? Sa mère, elle est assistante logistique et son père, il travaille à l'usine. Il travaille à l'usine, donc c'est. Normal, quoi. C'est normal. C'est pas comme si on avait des gens de Marcinelle et des gens de Uccle, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Tout est possible dans la vie. C'est pas comme si j'habitais Marcinelle et elle, Monaco, donc. Voilà, non, mais je pense que c'est pas le fait qu'il soit infirmier ou qu'il soit pas infirmier, c'est juste qu'il le prend pour un mytho ou alors. Il l'aime pas, quoi. Il l'aime pas, pourquoi il l'aime pas? Bah peut-être, je sais pas, peut-être parce qu'ils estiment que c'est pas le gars idéal. Tu sais, parfois pour faire sortir tes enfants du ghetto, faut les marier à des bonnes personnes. C'est triste, peut-être qu'ils disent qu'accès ça va pas. Il s'amuse à diriger la vie de Pauline à la lettre. Ouais, mais Pauline, ça, elle est en réto, donc elle doit avoir 17-18. Bah alors voilà. Oui, elle a 17 ans, elle a 18 ans au mois d'octobre, mais bon, elle a aucune responsabilité, elle ne peut jamais sortir de chez elle. Oui, c'est leur choix, c'est les parents. Elle est mineure encore. Ouais, mais bon, Axel, tu sais, s'ils l'interdisent de te voir. Crois-moi qu'elle va faire le contraire. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Ils nous interdisent, mais bon, on a toujours trouvé des techniques et ils le savent très bien. Je m'en cache pas. On se voit le midi à l'école, tout ça, on s'en fout. Ils le savent très bien, mais personnellement, ça ne fait ni chaud ni froid qu'ils le sachent. Ouais, mais bon, je crois qu'il faut vraiment, taper la causette avec eux. Hein. Ouais, demande-leur clairement. Ça, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Attends, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble d'abord? Et ici, samedi, ça fera 7 mois. Ah ouais. Ok, en 7 mois, tu les as vus combien de fois, les beaux-parents? Oh ben au mois de novembre l'année passée, je les ai rencontrés pendant une semaine. J'ai été dormir chez eux. C'est eux qui me demandaient. Ah, si est-ce que pendant tout un moment ça allait bien avec eux? Oui, ça allait bien. Ah. Ça a dégénéré à un seul moment au niveau de Noël et du Nouvel An. Voilà. Et pourquoi ça a dégénéré? Ben ça, bonne question. Je vais vous l'expliquer. C'est que mon père sortait avec la sœur de Pauline. Attends, Axel. Ton père faisait quoi? Oui. Mon père sortait avec la sœur. Qui a 14 ans. Qui a quel âge? Non, elle est beaucoup plus âgée. Attends, je comprends pas. Et donc c'est un conflit familial. En fait, le père de ce garçon, de Alex, hein, c'est ça son nom? Axel, sortait avec la sœur de sa copine à lui. Oui. Avec la grande sœur. La très grande sœur. Tu comprends ou pas? Donc les parents, oui, si tu veux, okay, voilà, ils ont une fille qui sort avec Axel et une autre fille qui sort avec le père d'Axel. Et ça c'est compliqué. Ouais. Ah, c'est chaud, les gars. À savoir que quand mon père s'est mis avec cette fille-là, cette fille-là ne parlait plus à ses parents et voilà, ils n'étaient plus en accord. Oui, donc voilà, ça crée un. Voilà, ouais, mais il fallait pas proposer la part cause. Mais bon, voilà. Et puis à Noël, mon père s'est séparé de cette dame-là. Et depuis lors, cette dame-là, elle a été racontée X, Y, X, chose. Ses parents, ils avaient déjà en tête que c'était leur fille. C'est ton père qui a foutu la merde. Voilà. Ton papa a foutu la merde. Il avait quel âge, ton papa? Il a quel âge, d'ailleurs? Il a 52 ans. Et il a quel âge, ta grande belle-sœur? En bonne question, on doit avoir 35-40. Voilà. D'accord, oui, ça va. Non, mais par contre, est-ce que ce serait pas une piste que de toi aller parler à la sœur, justement? Ah non, mais ça, c'est pas possible, parce que là, maintenant, moi, tout ce que je veux, c'est une chose bien précise que je ne citerai pas, donc... C'est quoi? Une chose bien précise. Juste à trouver dans un coin sombre, dans une ruelle ou quoi, quelque chose. Tu fais des menaces à l'antenne, déconne pas. En ce moment, on entend parler de plein de choses comme ça, dont en France et tout, des espèces de faits divers dégueulasses. Non, s'il te plaît, non. Tombe pas là-dedans. Attends, Axel, qu'est-ce que ta belle-sœur va avoir là-dedans? Pourquoi tu dois lui faire du mal? Parce qu'elle continue, elle a déjà commencé à Noël, elle a quitté mon père, alors du coup, elle s'est dit, tel père, tel fils, elle a été raconté des trucs sur moi. Eh ben, Axel, sérieusement. J'ai essayé, parce qu'à un moment, ça allait bien entre les mois, il y a deux semaines, ça allait bien, j'allais voir Pauline chez sa sœur, sans problème, tout et ça. Et alors? Et du jour au lendemain, ça a dégénéré, parce qu'elle... Elle s'est dit non, c'est pas possible, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle a de nouveau bourré le crâne de Pauline. Ouais, c'est ça, il lui monte la tête. Mais alors, fais un truc. Déjà, tu resserres les liens avec ta copine. Si vous vous aimez, ça devrait se faire naturellement. Tu dis, écoute, voilà, là pour l'instant, il se passe quelque chose où tes parents et ta sœur veulent éviter que toi et moi on soit ensemble. Peut-être qu'il y a eu une déconvenance, peut-être qu'elle était. Je sais pas, peut-être que la grande sœur de 35 ans qui est sortie avec ton père de cette même famille. a été tellement trahi ou je sais pas quoi qu'elle en retire une haine. Maintenant, je pense que tu vas prendre vraiment ton courage, à Axel, aller parler aux parents, ouais, discuter aux parents. Avec eux en étant vraiment très posé, très gentil, en insultant personne, en ne clashant personne, et surtout pas en disant ouais, je, pour toi, mais je vais te prendre dans un coin de rue non, et je vais te péter ta. Voilà. Et tu dis non, voilà. Mais bon, depuis le début de l'année, on fait ça. On essaye de leur parler calmement. On fait tout pour eux, pour les arranger eux. On se voit nous. Axel, je vais être très honnête, continue à le faire. Il faut que tu te sentes bien avec toi-même et que tu saches au final que tu auras fait tout ce qui était dans ton pouvoir pour que ça aille bien. Et si finalement ça va pas bien, c'est pas grave. Mais toi, tu sauras que tu as fait le nécessaire. Et crois-moi, c'est des adultes. Alors je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont cons, mais à mon avis, eux-mêmes, ils savent très bien que c'est de la frustration, voilà. Ils savent que tu as certainement fait des efforts et que tu as certainement mis les choses dépend, en place. On voit que ce qu'on veut voir, oui, bien sûr. Maintenant, Vince, explique-moi quelque chose. Comment est-ce que je dois garder mon calme quand Pauline vient chez moi, sa mère lui dit carrément en face d'elle. Va faire ta trouille et ta salope chez lui. Oh là là. Bah tu rigoles. Ah oui, donc il l'insulte. Tu rigoles et tu dois prendre ça avec pitié. Bah ouais, tu dois prendre du recul. C'est violent quand même. Ouais, c'est violent, mais prends ça avec. Elle le dit sans arrêt, donc sa propre mère va lui dire ça quand même. Même Pauline, elle en est très mal. Toi à la base. Braquille. Toi à la base, que dit sa maman, ça doit pas t'atteindre. Franchement. Ouais, non, mais ça atteint sa copine. Oui, mais il doit rester loin. S'il reste loin, il va pouvoir être mieux avec sa copine. Ouais, il faut que vous. Ouais. T'as assez dingue. Oui, voilà, moi-même, ça ne m'atteint pas directement, mais quand je la vois mal, on pleurer devant moi parce que sa mère lui dit ça et que son père le maintient, que son frère et sa sœur le maintiennent. Alors Axel, le truc c'est que c'est sûr que c'est pas à vous en tant que jeune de devoir faire l'effort d'arranger un système familial qui est en train visiblement de partir en vrille. C'est plutôt au rôle d'un père de famille ou en tout cas de la famille de se concerter. Mais essaye vraiment de la rassurer, essaye de lui faire comprendre qu'elle ne doit pas le prendre personnellement pour elle. Attends, et c'est pas évident, je sais. 19 ans, 18 ouais. ans, tes parents te traitent de pute. Ah, c'est... Merci, ouais, bah, c'est très violent. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est violent. Maintenant, je sais qu'il y a... Pour l'instant, j'ai l'impression que cette génération-ci, il y a un monde de différence pour le fait de se comprendre entre parents et gosses. Entre le monde et insulter. Et s'insulter quand même. Ah, mais justement, c'est ça, c'est qu'ils se comprennent pas. Oui, mais ne pas se comprendre, mais on peut respecter quand même. Ouais, grave. Parce que là, c'est criminel, c'est atroce de faire ça à une jeune Pauline fille. Respecte ses parents de A à Z, quand il leur demande des choses, elle le fait sans problème. Elle est gentille, final, quoi. Quand elle demande un petit service d'aller, je peux aller dormir une nuit chez mon copain, sa mère dit oui, sans problème, sans râler, mais dès qu'elle s'en va, allez, dégage, je vais faire sa trouille, ta salope. Oh la vache. Alors attends, le contexte où quelqu'un dit oui, pas de problème, et après c'est la frustration, c'est quelque chose qui reste en toi, tu vois. C'est bizarre. Oui, mais bon, voilà. Ou alors est-ce que la mère est pas aussi la tête qui est retournée par le cerveau de sa fille, l'autre fille. C'est une affaire de famille, ouais. Et franchement, faut que ça communique, quoi. Ouais, le meilleur truc, ça serait que son oncle se tape quelqu'un, tu vois. Dans voilà. Comme ça, la boucle est bouclée. Mais Axel, écoute, continue à rester posé, à rester tranquille, tu vas pas t'énerver avec ça. Parce qu'à mon avis, ce qu'ils attendent, certainement les parents, pour c'est faire « Ah, casse. Tu vois, j'ai raison, c'est que tu pètes un câble. » Et le jour où tu vas péter un câble sur eux, tu vas les insulter, que tu vas les clasher, et ben là, ils vont en profiter, ils essaient, à mon avis, de te sortir de tes gonds pour après dire « Eh, regarde, tu vois hein. !» c'est atroce. Ah, c'est relou, les gens qui font ça. Le seul problème, c'est que c'est pas moi qui vais sortir de mes gonds premier, c'est Pauline. Mais la peur qu'on a, c'est qu'elle se fasse mettre dehors de chez elle, comme sa mère a fait avec sa sœur. Oh putain, oui, ouais, mais c'est peut-être une bonne chose en soi, bah parce franchement, alors, vivre avec des gens, c'est le mal absolu. Quoi, alors, je peux comprendre, c'est tes parents, mais à un moment donné, vivre avec des parents qui sont relous comme ça, là. C'est plus que relou. C'est sa mère, elle a fait ça avec son grand frère et avec sa grande sœur. Donc, tous Bah écoute, reste loin de tout ça, toi. Voilà. Essaye de toi de prendre des distances, tu peux pas toujours te mêler de ça. Moi, ce que je fais dans un sens, c'est que je prends les avances de l'autre côté. Je regarde pour un appartement, comme ça, si elle se fait mettre dehors, elle a quelque part où aller. Voilà, trouver un travail, c'est déjà une preuve que je peux donner envers que les parents auront devant eux. Ben, je suis un intermédiaire, pourquoi je trouve des boulots alors? Mais tu sais, honnêtement, si tu as toujours à chaque fois te prendre la tête, réfléchir à ce que les parents disent sur ta gueule, on s'en fout, de toute façon, ils ont du temps à perdre, à parler sur toi, bah toi t'as pas le temps, t'as du boulot, tu vois. Donc, si, voilà. Eux ils sont négatifs, ouais, fais ton truc, trouve ton boulot et sauvez-vous de là, quoi. Et faites votre petit couple d'amour, voilà. Voilà. En attendant, elle arrive en examen et elle a la tête remplie, elle en peut plus, quoi, elle craque tous les soirs. Frangin, je suis d'accord, mais bon, tu sais, dans chaque famille, t'as toujours des soucis comme ça, des problèmes pour les examens. Ouais, elle a qu'à se focaliser dessus, c'est son truc, et relativiser, peut-être ça lui fera gagner en maturité. C'est triste, hein, de gagner en maturité comme ça, mais ce sera peut-être l'idéal pour elle et pour toi, quoi. Ça va?

En fait, Lara a tellement de puissance là aujourd'hui. Quel phénomène! Kaufman, il n'arrive pas à en placer une. Non, mais c'est bien comme ça. Non, tu me fais peur, hein, franchement. Ouais, arrête! Il va voir le médecin. Hein, j'ai l'impression qu'il réagit comme s'il a eu le patron de Fun Radio et qu'il lui a dit. Il virait. Non, pire, il a dit ouais, non, écoute, la libre antenne de Vin, ça s'arrête. C'est terminé. Et que lui, il est au courant, mais il a peur de me le dire. À ce propos, Vince. Dis-le-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, j'en sais rien. Ah, ok. Il réagit vraiment, c'est comme s'il était mal à l'aise vis-à-vis de nous, tu vois. Pas du tout. Kaufman, t'as eu une mauvaise nouvelle. On m'a fait une très grosse proposition. C'est vrai? Ouais. Raconte. Pour aller travailler au Québec. Ça fait toujours plaisir. Voilà. On salue une demoiselle qui est ici avec nous en studio. Ah, vas-y, prends le micro. Tu t'appelles comment, dis-moi? Je t'en prie. Ne tombe pas. Ça va? Tu vas bien? Ça va bien et toi? J'adore cet accent. Ça fait plaisir. Tu t'appelles comment, dis-moi? Kayla. Kayla. Et Kayla est une artiste. C'est beau. Qui est passage, elle passe comme ça. Lara vient de le découvrir maintenant. Elle a découvert juste avant. Deux heures. Mais je veux une jolie fille avec un chapeau et tout. Je regarde. Et des beaux collants. On s'est suivis dans les escaliers. Là que j'ai dit, mon Dieu, mais quel beau collant. J'ai pas eu besoin de cible, j'ai maté de loin, j'ai tout vu. Très jolie. Et alors, après 3 heures d'émission, tu me dis, ah ouais, elle est artiste, merci quoi. Je t'en prie, c'est vrai. Vive le RP ici. Oh là là, pardon. Et ça va, t'as mis à la Belgique? Ouais. C'est un accent, quand même. Hein. Mais on fout sur la route. Ah oui, ouais, oui, mais c'est normal, on est en pleine période pour l'instant un peu sombre. Hein. Il y a eu la grève, donc du coup. Donc du coup, on a tellement d'embouteillages que lorsqu'on n'a plus d'embouteillages, on roule comme des tarés. Voilà. On essaie de rattraper un petit peu le temps perdu, tu vois. C'est parti. Est-ce que je fais bien l'accent québécois ou pas? Pour la première fois, je peux demander à une Québécoise. Faut encore travailler un peu. Travailler un peu. Un peu. C'est pas facile, hein. C'est pas évident. Et donc, tu viens de Québec, c'est bien ça? Alors, qu'est-ce que tu préfères en Belgique? Jusqu'à maintenant? Les frites. Ah! Les frites. D'accord, parce que. Oh, attends, comment ça s'appelle le truc là? Pardon, excuse-moi, mais le truc là. La poutine. Vladimir. La poutine. Oh my god, La Vladimir Poutine. La poutine. Voilà, exactement. La poutine, donc, c'est des frites avec du fromage. Du fromage. Et c'est de la sauce barbecue. C'est bon, ça va encore, elle n'a pas encore l'accent trop blédarde. Ouais, moi, j'aime bien. Hein. Non, ça va, ça passe bien. Pas de Gaspésie ou. La Gaspésie. Je connaissais pas la Gaspésie. Eh, non plus, non. C'est quoi? Dites-vous déjà qu'il y a gaz et à paix, donc. Donc si on va en Gaspésie, ça peut. L'accent est plus prononcé, ouais. D'accord, comment on dit Kaufman en québécois? Kaufman. Je pensais que j'allais avoir à dire Kaufman. Un grand front. Kaufman. Grand front, Aurora. En tout cas, sois la bienvenue en Belgique. Ben merci. Voilà, profites-en bien. Et puis tu feras connaissance avec Lara. Voilà, je pense que. À tantôt. À tantôt, parce que les Québécois, ils savent ce que ça veut dire tantôt. Ouais. C'est le seul pays qui comprend ça. Elle fait bien l'accent ou pas? Pas vraiment. Le vieux Québécois. C'est le vieux Québécois. Ben ouais, parce que les R. Mais bien sûr, c'est parce que moi, mon modèle, c'est Robert Charlebois. C'est pour ça. C'est comme ça. Robert Charlebois. Je reviendrai à Montréal. D'accord, ok. Merci René, c'est merci gentil. Merci René. Reste en paix. Demeure en paix. Ouais. D'ailleurs, vous, les Québécois, vous avez l'habitude de traduire des films américains que nous, on garde le même titre. Ouais. Par exemple, Avengers, bon, regarde ça. Avengers, vous appelez ça les Vengeurs. Les Vengeurs, mais Fast and Furious aussi. Comment? C'est rapide et dangereux chez nous. C'est génial. Ouais. C'est drôle ça. Et pourquoi vous faites ça? Parce qu'on veut garder vraiment notre français. Ah oui, d'accord, ok. Pourtant, c'est... vous au dites. Québec. Ah ouais. Ouais. C'est pas mal. Mais par contre, les doublages des Canadiens, quand tu regardes les films doublés en France et les films doublés au Canada, donc le même film, hein, mais rien à voir. Il y a une espèce de subtilité que les Canadiens arrivent à percevoir dans des trucs où finalement la scène, quand elle est doublée par des Français, tu passes à côté. Il y a une magie qui part. Et puis tu regardes le même film, je sais pas, allez regarder Horrible Bosses, mais je sais pas c'est quoi le titre, hein, mon fameux boss, je sais pas comment. Mon fameux boss. Et ben regardez la version doublée en français et la version doublée par les Canadiens, rien à voir, deux films différents. D'accord. Tu passes à côté et t'adores. Alors j'ai trouvé un petit listing ici de films qui ont été traduits en canadien. Donc au Canada il sort avec ce nom-là. Ok. Et nous on par exemple Pulp Fiction, ouais. Et ben là-bas c'est Fiction Pulpeuse. Fiction Pulpeuse. Alors, par exemple, on a Dirty Dancing. Ouais, avec Patrick Swayze. C'est discothèque dégueulasse. Eh ben non, c'est pire. C'est danse lascive. Quoi? Voilà, danse lascive. Lascive. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe, Françoise? Dis les noms en canadien, c'est plus drôle. Ok, ça, on va alors, finir, alors c'est quoi les bagnoles? Bah, Cars. Cars, bonne réponse. Bien joué. Alors, tout le monde connaît le film Trainspotting? Oui. Là, le truc de drogue, là. Ouais. Evan McGregor. Voilà. Ferrovipat. Oula, Ferrovipat, c'est quoi? Ferrovipat. Les patrouilleurs de l'espace. Starshippers. Starship Troopers. Starship Troopers. Bien joué là. Alors, Nigo le professeur. Nigo bah, professeur. Le professeur Voldingue. Ouais. Bonne réponse. Oh, bien joué. Alors, le film Get Shorty, c'est le petit qu'il nous faut. C'est le petit qu'il nous faut. Voilà. Le petit qu'il nous faut. Alors, Folie de graduation 2. Ah, ah oui. Folie de graduation 2. J'essaie de faire l'accent. Hein. Crazy. Graduation. Alors, ça vient d'où? Imaginez au 34, ça viendrait d'où ça? Folie de graduation. American Pie. Bonne réponse! Oh, ah, il s'y connaît celui-là. Alors, poulet en fuite. Chicken Run. Chicken Run. Non. Alors, une vie de bestiole. Mille pattes, mille et une pattes, animals? Mille et une pattes! Oh, oh. Respect. Hey, tu vois, j'ai un esprit canadien. Alors, tuer Bill. Ouais, bah, Kill Bill. Ouais. Blonde et légale. Allez. Legally Blonde. Legally Blonde. Yeah. Voilà. Film de peur. Scary Movie. Ouais, Scary Movie, oh, bonne réponse. L'amour est un pouvoir sacré. Love is a. Breaking the Waves, c'est Lars von Trier qui avait, oh, qui quel avait beau ça. Film, oh là là. Alors, je regarde un autre que tout le monde connaît. Mon fantôme d'amour. Ghost. Bonne réponse. Ah. Énorme. Joli. Frisson. Ah, c'est pas Jaws. C'est pas. Non. Frisson. Shivers. Scream, non? D'où ça vient, ça, Frisson? C'est un film en québécois. Ah, Scream, t'as dit. Eh ben, c'est une bonne réponse. Scream? Ouais, Scream. Exactement. Bravo. Alors, attends, ils auraient pu appeler ça Cri. Je m'y attendais pas. Cri. Détestable, moi. Ah, bah, c'est moi, moche et méchant. C'est Disqueable Me, je crois. Moche et méchant, ouais. Ouais, c'est moi, moche et méchant. Bonne réponse. Rapide et dangereux. Bah, voilà. Fast and Furious. Histoire de jouets. Histoire de jouets. Toy Story. Bonne réponse. Ah. Alors, oula, c'est quoi ce truc? L'inconnu de Las Vegas. L'inconnu de Las Vegas. Si je m'attendais à ça. Las Vegas Parano. L'inconnu de Las Vegas. Mais c'est. Si quelqu'un trouve ça au 3044, je dis respect. Hein. Very Bad Trip. Non, c'est. Non. L'inconnu de Las Vegas. Alors c'est compliqué, c'est vieux ou pas? Mais c'est pas un James Bond. Non, c'est pas un James Bond. L'inconnu de Las Vegas. L'inconnu de Las Vegas. Je m'y attendais pas, je c'est vous pas avoue. Las Vegas Parano. Non. Il n'y a pas Las Vegas, je pense, dans le titre. Dans le titre original, non. Ouais, il n'y a pas ça. Hein. Allez, vous avez une idée ou pas? Non, j'en ai pas. Et après, on va jouer à. Rulustan. Non, c'est quoi? Ocean's Eleven. Ah, oh, ouais, putain, bah ouais. L'inconnu de Las Vegas. Ah, ouais, voilà, non. Alors, on n'a pas fini, hein. Allez, continue, là. Alors, attends, le commando des bâtards. Ah, Inglorious Bastard. Bonne réponse. Oh, ouais. Los Angeles interdite. Bah, LA machin, confidential. Eh bien, bonne réponse. C'est trop forte, là. Homme en noir. Ben, Black. Oh, ah, mais une blague! Bonne réponse, ouais. Oh, mon noir! Et c'est au pluriel, j'espère. Ouais, alors. Hein. Alors, c'est pas. Les gars, c'est pas une blague. C'est un film avec Keanu Reeves. Ça s'appelle Clanche. Ben, Clanche. Speed. Speed, bonne réponse. Ça s'appelle Clanche. J'ai Clanche. Pas le quoi. Mais comment t'écris ça? Comme une clinche, quoi. C'est L-I-N. C'est A-C-L-A, machin, un truc dans le genre. N-C-H-E. Un ciel de couleur vanille. Vanilla Sky. Et c'est pas une blague, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est hein. Génial. Alors laisse-moi voir Danser dans le noir, ouais, Dance in the Dark. Alors comme un taureau sauvage. Oh putain. Raging Bull, il est pas très connu. Alors Génération Extrême. Génération Extrême. C'est un film de jeunes, ça. Ouais, ouais, putain. Génération Extrême. Non. Ah, ouais. Ah, c'est pas mal. Projet X, bien. Génération Extrême. C'est pour Very Bad Trip. Non. Génération Extrême, je sais pas. Bon. Non. C'est pour. C'est l'histoire d'un mec qui va en prison et puis il change littéralement parce qu'il a, compris. Allez-y au 3044 si vous avez une idée. Moi, je connais pas. Non, ça vous dit rien? Kaufman. C'est Kaufman. Ah, allez, mets ta bouche sur le trottoir et maintenant dis bonsoir. Oh, American History X. Bonne réponse. Ah. C'est quoi le titre en Génération Extrême. Ah oui, c'est extrême. Voilà, Génération Extrême. Le Pouilleux Millionnaire. On est bientôt à la fin, là, je vous promets. Slumdog Millionnaire, bonne réponse. Ouais, ouais. Il est bon, Kaufman. Hein. Il est très bon, Kaufman. Voyage au centre de la mémoire. Bah, c'est le truc Jason Bourne, là. La mémoire dans la peau. Non. Ah. Voyage au centre de la mémoire. Memory trip. USB card. Non, c'est compliqué là. C'est quoi ça? Total Recall. Oula, ouais, non mais. Et le dernier, marche ou crève, vengeance définitive.

Ah non mais je suis déçu, on a tous oublié un truc dans cette émission. Qu'est-ce qu'on a oublié? Eh ben les gars, il y a JC qui vient fêter son anniversaire là. C'est vrai. Il a ramené du champomy. Hey, et oh, le chien allez, rendez-nous le chien, on veut du champomy, champomy d'abord. JC, viens au micro, je t'en prie. JC. Voilà, Jésus-Christ est de retour. Ouais. Voilà, J plus 1 aujourd'hui. Ça va JC, tu vas bien? Ça va. Descends le micro. Ouais, si tu le laisses au-dessus de ta tête, ça va être compliqué. C'est parce qu'il a un grand front, copain. Bon, JC, t'as quel âge aujourd'hui là? 25 ans. T'as ramené du champagne? Ouais, obligé. T'es prêt pour faire popper? Ouais, mais pas trop quand même. Non, c'est vrai, pas trop. Hein. T'as encore beaucoup de route ou pas toi? Ben, je vais me lever assez tôt pour rouler demain donc. Tu roules de quoi? Tu fais quoi? Chauffeur poids lourd. Et ça va avec la grève et tout là, tu gères? Ouais, connais les routes donc ça va, on peut passer par les petits chemins. Non, mais les petits chemins, vous avez pas le droit de passer partout hein, avec les petits chemins. Non, mais justement, faut connaître. Ah d'accord, ok, parce qu'il paraît qu'il y a des routes, genre c'est interdit à plus de 4 tonnes et tout. Et c'est à combien de tonnes ton truc? Je suis des fois à 44 tonnes. Et t'es jamais arrivé? Je pose cette question à tous les routiers, chauffeurs routiers que je croise. T'es jamais arrivé dans un village de passer sous un pont et crac, ça reste coincé? Non. À toi, ça t'est jamais arrivé? Non. Ça arrive d'accord. assez souvent. Ça arrive super souvent. Regardez toujours les plafonds, regardez les toits là, dans les petits villages, dans la petite ville. Des fois, ça passe. Où il y a des tunnels. Vous voyez que c'est rayé et tu comprends pas pourquoi c'est rayé. Bah en fait, c'est pour ça. Voilà. Il a un chouette tatouage en tout cas. C'est rayé. Loin d'être parfait, mais totalement unique. C'est quoi le tatouage? Bah c'est ce qu'il vient de dire. Loin d'être parfait, mais totalement unique. Ah moi je pensais que tu disais que... Oh putain. Je pensais que son tatouage, tu l'estimais loin d'être parfait, mais totalement unique. Ok. C'est rien pas à mal, voir. Hein. Bon JC, on va fêter ton anniversaire tranquille. Hein. Il n'y a pas de soucis. Encore une bougie de soufflé. Encore une bougie de soufflé. Encore une année passée. Encore une année passée. JC. Mais qu'est-ce pas, il fait la gueule comme Kaufman. Non. En fait, il vient dire beaucoup d'amour, mais en fait, c'est moi qui ai envoyé le message hier. Mm-hmm. T'as parlé de friendzoné. Oui. La fameuse Allison. Oui. Elle écoute sûrement avec son fils qui t'a envoyé un message après. Ouais. T'as fait un coucou avec. Je me souviens. Et Robin. Oui, tout à fait. Tu l'as eu au téléphone le jour avant, apparemment, parce qu'elle avait fait un défi aussi. Ouais. Donc, amour, non, pas du tout. D'accord, ok. Ah, ok, tout ça pour dire ça. Du tout, quoi. Ok. Enfin, bon, si vous voulez, vous aussi souhaitez être là pour votre anniversaire, hein, on a le Ronald McDonald de service. Qui chante et qui danse. Oh là là. Oh, bah, si, j'espère pas finir comme lui, c'est-à-dire plus du tout chez McDo. Ah, c'est vrai. Il a été viré. Ah, il a été viré. Il a été viré de chez McDo, effectivement. Attouchement sexuel. Ah oui, écoute. Oh putain. J'espère que Fun Radio sera pas le même combat. Heureusement que Roger n'est pas là. Hein. Voilà, tout va bien sur Fun Radio. On est en direct, hein, 22h51. JC, tu peux faire popper le champagne. Vas-y, t'inquiète pas. En fin d'émission, on va commencer après l'émission, bien entendu. Hein. Enfin, je connais, à mon avis, Lara. Ça... Surtout Coralie, ça va être la première à sauter dessus. Il y a rien le visage de Coralie. Hein, Coralie, avoue que tu, depuis tout à l'heure, t'attends qu'on la fasse pomper. C'est vrai que j'y ai pensé. Hein, parce bien que sûr, j'y ai pensé. Bien sûr. Si tu y as pensé, c'est-à-dire que t'es alcoolique. Oh putain. Et là, je vais mettre une de ces pressions. Non, je bois pas beaucoup. Je bois pas beaucoup, moi. Je bois pas beaucoup, vraiment. Je bois quasi pas. Hein. Ouais, c'est ça. Un jour, elle m'a dit j'arrête l'alcool, j'ai rigolé. J'ai arrêté pendant super longtemps. Ouais. Deux jours. C'est drôle parce que je lui dis mais tu vas reprendre. Non, je te jure. Et tu sais, parfois, après, elle me dit ouais, j'en ai marre, t'as toujours raison. Allez, c'est parti, les amis, on relance le relou style. Et on commence ce soir avec. Dans le relou style. Ah. Avant que ça sonne, vite. Ça va commencer avec. Françoise. Oh, ça va être plié en deux alors. Ça a décroché ça. Allo. Oui. Ouais, ça va? Oui, ça va. Ouais, ta femme, elle va bien ou pas? Est-ce qu'elle est à côté de toi, ta femme? Pardon? Est-ce que ta femme est à côté de toi? Oh, la bouteille! La bouteille a pété! C'est qui, toi, là? Est-ce que ta femme est à côté de toi, là? Passe-la à moi. La bouteille a pété. Elle a oublié ses sous-vêtements chez moi. Passe-la moi. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Elle a oublié tes sous-vêtements chez moi. Tes sous-vêtements. Passe-la moi là. Allez. Allez, Baltringue, passe-la moi. C'est qui toi là? Moi? Bah, je suis le plan cul de ta femme. Non, fils de pute, c'est qui toi? Oui, je suis le plan cul de ta femme, je viens de te le dire, connard. Non, à mon accord, monsieur, je sais qui? Ouais, tu peux articuler, je comprends rien. C'est un turc. Merde, un Kosovar. Hey, mais t'es albanais toi ou quoi? Hey, il va te défoncer. T'es albanais ou quoi? Yok lan orospu çocuğu, je suis turc lan orospu çocuğu. Ouais, c'est pareil, albanais turc c'est pareil. Fais pas chier. Je viens de te dire qu'il va te mettre une balle. Bon, ta femme, tu l'as ou pas? Ah, ça, c'est gueule derrière. Non, c'est sa femme qui se fait frapper surtout. Arrête. Ta femme, allô, tu l'as? Allô? Allô, c'est qui? Ouais, tu veux me passer ton mari, s'il te plaît? Pourquoi? Dis-moi, t'es qui, toi? Bah, j'ai couché avec ton mari. Passe-moi ton mari. Ah ouais? Ouais. Depuis quand? Bah, hier soir. Bah ouais, j'ai couché avec ton mari, passe-moi. C'est vrai? Ouais, passe ton mari. Allez, tu me fais rire. Hein. Allez, passe ton mari. Va te faire foutre, t'es enfoiré, t'as pris où le numéro de téléphone, toi? Bah, dans le bottin. C'est vrai? Bah ouais. Mais va voir ailleurs alors, hein, vu que t'as pris dans allez, le bottin. Allez, passe ton mari. Avec le bottin, ils se font enculer, bah. Passe ton mari. Il a doublement gagné. Va te faire foutre. Ah ouais? C'est gentil ça. Tu sais quoi? Donne-moi ton adresse, hein, je vais venir te voir. Hein. Vas-y. Bah, tu peux pas venir me voir, moi, attends. Je suis en Albanie. Alors, viens, toi. Je suis localisé viens en Albanie. Toi, alors. Je localise en Albanie. Ah, tu te localises en Albanie. T'es un vrai fils de pute, toi, à mon avis. Mais pourquoi t'aimes pas les Albanais? Oh non, on rappelle. Alors déjà, c'est gagné. Hein, ah, c'est gagné. Doublement gagné. Non, doublement. J'ai énervé la femme et le mec. Non, mais t'as bien fait de dire après que tu couchais avec le mec et tout. Ça a détendu l'atmosphère. Parce qu'en un coup, je me suis dit, putain, ils vont nous amener. Ouais, j'ai eu peur aussi. Tout. Avec Hoffman, à toi. Attends, ça va être Dominique. Ah, Dominique, ok. On va essayer. Ah merde. Tu veux essayer, Hoffman? Oui. Vas-y, fais-le alors. Pas de problème. Moi, j'avais ça qui était prêt. Ça marche aussi. Merde, t'appelles la Turquie ou quoi? Bon, on rappelle encore une fois. Ouais. Elle s'est chauffée là. Ah ouais, là, mais c'est gagné de loin. Hein, on rappelle loin. Qui là? Les mêmes. Ah d'accord. Coralie est partie boire le champagne qui a coulé par terre. Puisque allez, laisse par terre. Il a fait péter la bouteille, je me tourne, je vois ça ma tête. Ça fait un bruit. Et je vois une fontaine de champagne, tu vois. Arrête de lécher par terre, Coralie. Le champagne, il fait non, faut pas le dépenser. Faut pas le gaspiller. Ah merde, Oh, c'est dommage. Coralie, on a besoin de toi pour un nouveau. Ah, ça répond plus. Un nouveau truc, quoi. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Alors, il est bon le champagne? Je sais pas, j'ai pas vu encore. Ouais, c'est ça, ouais. T'en as plein les cheveux. Alors, je sais pas qu'est-ce qui reste dans sa bouteille, hein, pour l'instant. Mais... Le trois quarts. Allez, le trois quarts. Oh, elle a vérifié tout de suite, quoi. Non, mais elle a l'œil, elle a l'œil. Elle fait 22 centimètres. Coralie, son cerveau, il a l'analyse tout. Si. C'était un restaurant, ce qu'on a appelé. Oui. Non. Et ils avaient l'air couchés à deux dans le lit. Hein. Allô? Ouais, c'est moi. Oui. Faudrait changer de cuistot, ta bouffe, elle est dégueulasse. Pardon? Ta bouffe, elle est dégueulasse, faudrait changer de cuistot. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Enculé. Allô? Allô? Mais oh non, c'est gagné. C'est gagné aussi. C'est gagné. Hey, ils sont chauds les restos. Hey, qu'est-ce qui se passe? Putain. Ah, attends, ça c'est la grève, ça. Hein, ça c'est... Le manque à gagner, ça fait dur. Hein. Et il a dit c'est l'autre enculé. Mais on se connaît. Attends, lui, on rappelle le même. Il te reconnaît, putain. Et c'est qui parle? Ça va être Dominique. Ah oui, comme ça. Allez. Oh, il décroche plus. Bonjour. Oh. Non. Attends, je vais essayer encore une fois. Ils font chier. Je vais essayer encore une fois. Ah non, mais on peut... Ah oui, c'est des grands verres. Hein. On peut pas boire en studio. C'est des verres poids lourds. Il amène le verre de la coupe de champagne chez moi là. Non, pas ici, il y a une table de mix et tout. C'est un gyro. Extérieur du studio. Il faut mettre ça à l'extérieur, monsieur. Veuillez partir, merci bien. Parce merci, qu'en fait, on. Ouais. Ah, il va plus le décrocher. Oh. Allez. Bah, appelle un autre resto. Ah oh, dommage, ça va, j'appelle un autre resto. Tiens, Lara, c'est de Lara qui s'y connaît. Non, moi j'ai pas fait ça. Allez, suis exempte. Comme de François Zige dans le jeu de culture générale, et bah moi dans le jeu d'énerver les gens, moi non. Hé hey. Non. Personne n'a demandé à JC s'il était venu en camion ce soir. Est-ce qu'il va pourquoi tu veux lui faire pouet-pouet? Attention. Allô? Je vais le dire en face. Allô? Bah, grand, tu sais combien de temps on m'appelle ici? Allô? Et nous on habite sur Rennes, peut-être c'est le quartier pas facile, hein. Et nous on a grandi dans le béton, hein. Ah, c'est bien ça, hein. Je te pute, moi. Mais j'ai dit quoi? J'ai dit arrête de m'appeler. Allô? Mais ta mère c'est une pute, hein. Yes, hein. Écoute-moi bien, grand. Eh, je te pute, moi. On se trouve en gauche. Eh, je vais m'énerver, Allô? Toi ta mère, je la baisse. Il est sourd. Ce qu'il dit celui-là. Ouais, il y a des dix. Il est turc aussi lui, non? Allô? T'es dans les bouchers ou quoi? Sans pas le danger? Allô? Je vais m'énerver, Allez. Mais ta mère c'est une pute, hein. C'est violent. What?